Hi, I'm Brad Pitt, and you're listening to Awkward Gamer, a show I really like, more than World War Z. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 20 de l'Horreur Gamer Show. C'est au micro avec vous ce soir, et en ma compagnie, encore une fois, une équipe diminuée, mais c'est pour un épisode spécial. On a un invité spécial aujourd'hui. Premièrement, à mes côtés, j'ai mon bon vieux partner, Sébastien Bouchard. Comment ça va, Seb? Hey, ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. Comme un gars qui vient de tomber en vacances puis qui a une coupe de bière dans le nez. Là. Hey, ça, c'est excellent. Moi, j'ai fait la terrasse ce soir et c'est la même chose, donc je pense qu'on va être en forme. On va être en forme pas mal. Puis en plus, on a, c'est, comme je disais, un invité spécial, quelqu'un que... Que ça fait longtemps qu'on parle que ce serait donc drôle de l'avoir dans le show. De toute façon, ça fait, je pense, deux ou trois shows qu'on les plug, ces gars-là, depuis très longtemps. Fait qu'on se dit pourquoi pas tant qu'il est plugué. Tout de suite, les invités. On a invité Dominique Paulus à venir avec nous ce soir. Comment ça va, Dom? Hi, I'm Brad Pitt, and you're listening to Awkward Gamer, a show I really like more than World War Z. Wow! Bon. Je suis content d'éditer ça parce que je vais tellement me servir de ça. On n'a jamais eu de jingles parce que je n'avais pas de jingles d'ID pour notre show. Je n'avais demandé un à faire un joueur-jeu. Puis, je l'ai jamais eu. Ouais, mais ces gars-là sont pas fiables. Non, mais là, ils... Parle-moi-en qu'ils sont pas fiables. Je me suis fait criser dehors de leur site. Fait que aussi qu'on s'en allait avec ça. Dom, mais faudrait... T'as dit, on a jasé pas mal, mais t'as même pas dit Dom Paulus d'Horreur Web. D'Horreur Web et du podcast, ben, le dernier podcast sur la gauche, mais je pense que, ouais, c'est ça. C'est vrai que nos auditeurs te connaissent peut-être pas tous, fait que faudrait que tu nous fasses une belle entrée en matière autre que Brad Pitt. nous expliquer ton background, mettons, en matière d'horreur, vite, là. Vite, mon Dieu, il n'y a pas tant que ça en fait d'un background, c'est que, c'est ça. Mais parle-nous donc de ton podcast en premier, puis on enchaînera avec d'autres marbles après. Ben, c'est un... Donc, mon podcast, c'est ça, c'est le dernier podcast sur la gauche, podcast hebdomadaire du site Horreur Web. Donc, oui, le seul podcast hebdomadaire francophone. Au Québec, et même partout du monde, je pense. Exactement, parce qu'on est rendu... On va poster bientôt le 105e épisode. Ça, c'est fort pareil. Hey, on s'en vient, on est proche. Là. Hey, l'épisode 20 ce soir, comment? On arrive? 20 ben, en un an? Oh, plus écoute, qu'un an. Honnêtement, ça va vite. Nous autres, on était rendu au 20e. C'est comme, tu sais, le centième, c'est loin. Puis après ça, il nous est arrivé d'en face comme un éjaculateur précoce. Là. C'est comme, ah oui, déjà, voyons donc. Mais ça va vite, ça va vite. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est à partir de quel épisode qu'on devient bon. Parce que nous autres, sérieux, on essaye bien fort, mais... Ça marche pas. Je suis seul qui est mal placé parce que je suis seul qui, on dirait, devient de moins en moins bon, plus à mon avis. Là. Mais c'est l'habitude. Le meilleur truc, écoute-toi. À force de t'écouter, tu te rends compte qu'est-ce que t'as eu de toi-même. Là, puis t'essayes de les arranger, puis finalement, ça marche pas. Puis tu fais comme, ah, on va 105, c'est la merde. Si les monstres sont pas contents, ils vont écouter quoi de moins bon comme l'horreur gamer. je te voyais pas venir pas à tout. Moi, quand je m'écoute, je pleure et ça fait tout couler mon mascara. C'est pas bon. Ah, c'est ça. Bon. C'était tes larmes gouttes mauvaises. Oh, wesh. Bon, on te rend. T'es en 5 épisodes, t'es en combien d'années, ça? Je pense que t'es en 3 ans et demi, 4 ans, en fait. Au départ, quand même. Ouais. Ouais, ben, au départ, on en faisait de temps en temps quand on pouvait parce que ça se faisait dans mon sous-sol. En fait, ça a commencé dans le char à Dani. Ensuite, ça s'est déplacé parce qu'on fait ça dans le char à Danny, devant mon appartement. Puis on s'est rendu compte que, on est déjà devant l'appartement, on peut être dedans. Et ensuite, donc, ça s'est fait dedans. Mais vu que Danny habite plus loin, il y a des enfants, c'était pas toujours évident de concorder nos horaires. Puis on s'est rendu compte de, hey, il y a technologie, Skype, ça marche pas pour, c'est pas fait pour les épais. Donc, on a commencé à essayer ça. Puis là, depuis qu'on utilise Skype, non seulement on en fait des hebdomadaires, mais en plus, on a du monde qui sont rajoutés de partout dans le monde du Québec, là. Fait que c'est, c'est assez international, niveau régional. C'est excellent, ça. Mm-hmm. Mais, puis, toi, vous en avez fait une coupe live, face à face. Tu trouves-tu que c'est un petit peu plus dur avec le Skype? Nous autres, moi et Pierre, c'est sûr qu'on est grand, on vit une relation Skype-est. Mais, tu trouvais au début que c'était un peu difficile à s'adapter? Ben, ça dépend qu'est-ce que tu veux. Ce qui est difficile à s'adapter, et on a parlé encore récemment, c'est que justement, quand on faisait ça live dans une pièce, c'est que si l'autre voulait parler, puis que la personne qui parlait disait « Attends, Fantaya, j'ai pas fini », t'as besoin d'un signe de doigt pour dire attends une minute, j'ai pas fini. Ouais. Par Skype, c'est pas évident, puis souvent le monde s'embarque dessus, plus c'est une guerre à savoir c'est qui va parler en premier, puis c'est qui le cave qui va dire son opinion en dernier. Là. Donc ça c'est un peu plus difficile, mais à un moment donné, tu pognes un rythme, tu t'habitues à tes co-animateurs et coéquipiers, puis tu le sens quand est-ce qu'ils veulent parler, puis tu les laisses aller, puis c'est juste une, à un moment donné, ça devient une. Ben ça, nous autres, c'est pas vraiment un problème, parce que c'est moi qui ai le piton des volumes, fait que ça se règle assez rapidement. Je dirais que celui de Sébastien est assez beau en général. Mais tu sais, comme là, présentement, tu le sais pas, mais tous nos autres collaborateurs sont là présentement. Mais ils sont tous mutés. Ouais, ben là, c'est ça. Parce qu'encore une fois, René, il avait pas écouté le film, fait que je dis, bon, ben toi, tu parleras pas. Puis, puis Dom, ben, tu sais, je pense qu'il faut encore continuer à parler d'Horreur Web un peu. Tu fais pas juste ce podcast, tu écris beaucoup de critiques, là. Puisque c'est ça, Horreur Web, en oui, plus d'être un podcast, c'est, contrairement à Horreur Gamer, qui n'est qu'un podcast et un site web avec quelques petites nouvelles, vous autres, vous, mais non, mais c'est vrai. Là, ah, c'est presque pas. Wow. On est minable, mais c'est pas si pire que ça. Là. Non, regarde. t'as dit tantôt, hors d'onde, qu'il y allait avoir du têtage. Je suis dans ma zone de têtage présentement. Oh, ouais, mais là, t'es juste pas obligé de dire qu'on fait de la merde. Moi, je dis qu'on fait de la merde. Vois ce que tu fais, Dom, là. Tu nous startes une chicane. Je m'excuse. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de critiques et donc, toi, t'en écris beaucoup. Là. C'est un site qui est aussi une référence pour les critiques de films. Ben oui, en fait, je ne vais pas non plus me faire mon propre têtage, là, parce que je suis assez souple, mais c'est qu'en fait, oui, ça a commencé, c'est un site de critique qui, dans le fond, le podcast s'est acheté par le fait, c'est comme un produit complémentaire, tu sais, un roteux, c'est bon, mais tu sais, des fois, un roteux, c'est pas assez, ça te prend une poutine qui vient avec, ben le podcast, c'est la poutine qui vient avec le roteux, puis le roteux, c'est la critique. Et donc, c'est ça, t'as plusieurs styles de critique, tout le monde a son style particulier, le gars qui connaît l'affaire, le tweet qui crie des jokes de graines comme moi, t'as tous les genres de critiques, et tous les genres de films critiqués, évidemment, puis on est rendu à pas mal, là, parce qu'on ça fait 9 ans que Danny a créé le site, puis lui en écrit encore plus que tout le monde, là, et donc ça, tout le monde écrit des critiques et tout, fait que ça s'ajoute à la langue. Je pense qu'on est rendu un peu plus que 1000, là, dans la même. Ouais, c'est ça, j'avais te demandé, ah ouais, 1000, si, maintenant que... Mais c'est moi... Autre séance de têtage. Quand j'entends parler d'un film d'horreur, peu importe où ce que je vais aller chercher ma critique, je vais tout le temps chercher sur Horreur Web en premier. C'est tout le temps là que je vais bien. Tu fais bien. Sauf que bon. Puis après ça, tu t'en vas sur Cinémaniacs. Puis là. Là, je ris. En tout cas. C'est tellement génial, ça. Moi, je suis sûr que ce gars-là qui écrit ça, c'est dans le fond, c'est un génie. Là. Il a inventé plein de remèdes contre le cancer, puis il s'amuse dans ce temps-là, passer pour un cave qui sait pas aligner deux lignes. Ouais, c'est ça. Il passe le plus clair de son temps à parler avec son nombril, mais dans ses temps libres, il guérit le cancer. C'est ça. Alors, je m'excuse si t'écoutes, champion, mais c'est ça. De toute façon, c'est pas mon podcast, fait que je m'en sac. On va masquer ton nom pendant que tu parles. Alors si on a Pip qui vient de site Pip. Hey, c'est moi qui édite, il n'est pas question que je me casse la tête à faire ça. Fuck off. Puis sinon, Dom, bon, tu disais tantôt que tu es quand même le spécialiste des jokes de graines. Mais, tu sais. Puis, moi, ce que je voudrais que tu nous dises un peu, côté horreur, toi, t'es quel genre? Parce que, on le sait, là, il y a tellement de genres que. On a chacun un peu notre style fétiche, notre petit style favori. Et toi, lequel serait-ce? En fait, j'ai pas vraiment de style favori. J'aime juste les bons films. Je peux autant aimer un film super dark, réalisation lourde, avec un scénario vraiment dark et t'as le goût de pleurer tellement que le film est dark. Là. J'ai dit beaucoup dark ce soir, mais quand même. Ouais. Autant qu'après ça, je peux apprécier un film avec des jokes de graines comme This is the End ou Chillerama. J'ai pas vraiment de style particulier. J'aime juste les bons films bien réussis. Donc, c'est ça. Mais sinon, c'est sûr que les comédies d'horreur, j'ai une affinité particulière avec ça. Et les films gore, mais pas un gore... genre à la Rob Zombie, que c'est poche, là, mais un gore comique, j'aime bien ça, c'est comme des Hatchet, tu sais, c'est gore, mais c'est tellement over the top que c'est comme, ouais! Donc, c'est ça. Il y a ça mais que admettons, tu savais pas. Admettons qu'on parlerait de... Ok, vas-y. Il y a ça que tu sais pas, c'est que ici il y a beaucoup de fans des films de Rob Zombie sur Horror Gamer. En fait, ce que tu sais pas, c'est que je le sais, j'ai écouté vos épisodes. Pardon, qu'il a fait exprès. Faudrait tellement... Ben, je vais pas être exprès, mais je souhaitais que le film qu'on parlait ce soir, c'est un film de Rob Zombie pour que il y a un déferlement de bêtises sur lui, puis que il me fasse envoyer chier par tout le monde. Puis comme, ouais, vous connaissez rien. Vous êtes rangé à l'épisode 20. Ça aurait été très bon, mais vois-tu, malheureusement, Rob Zombie a décidé d'arrêter sa carrière de réalisateur. Je sais, en tout cas. Et de recevoir mes têtes de cheval mort dans son lit. C'est ça, on m'en a dit. Insérer la joke poche ici, puis t'as très bien répondu. mais Dom, admettons, si je te dis slasher, ouais, moi je te réponds Burke. S'il y a des gens que j'aime, il y a des gens que j'aime moins, puis là, les slasher, c'est vraiment pas mon genre. De temps en temps, il y en a un que j'aime bien, mais c'est quand même assez rare. Mais tu le dis Hatchet parce qu'il est over the top, justement. Ouais. Over the top, ou sinon les films des années 80, comme les My Bloody Valentine, l'original, ou ce que j'ai écouté Chaude, là. Ouais, ouais. Apple's Fool's Day, que j'ai trouvé correct sans plus, mais c'est ça, tu sais, j'aime ce genre de films-là, de ce genre de slasher-là, mais en général, moi, je trouve que c'est vraiment de la merde, là. Moi, un gars qui tue du monde avec caché, puis qu'à chaque fois, il y a toujours une explication, là, comme le bras. Ouais, mais c'est parce que t'as. À voler 5 cents à la voisine de mon cousin, pis là, je vais me revenger parce que tout des enculés, pis non. Seb, t'es courageux, je trouve, parce que moi, je m'étais fait une liste, je savais que, bon, écoute, on invite Dom Paulus, il y a des choses qu'il faut pas qu'on parle, pis je m'étais fait une liste, justement, de sujets qu'il ne faut pas parler, pis ça se résume en deux choses. La première, c'était les slashers, la deuxième, c'était Kristen Stewart. Ça a l'air qu'il faut pas entendre en parler parce qu'il pète les plombs. Ah, si, parle-moi-en pas! ouais, je suis pas capable. Cette actrice-là, elle est pas belle, elle est pas bonne, vraiment là, c'est je sais pas comment ça fait qu'elle est aussi populaire. Cette fille là, elle est vide. On dirait qu'on c'est une race d'extraterrestres qui ont voulu envahir la Terre, puis ils se sont dit on va faire un modèle. On va créer un humain à partir de d'échantillons des choses. Puis là, ils ont créé Kristen Stewart, mais ils ont oublié de mettre un de les leurs dedans. Fait que là, c'est juste comme un morceau de peau pas d'âme. Puis que j'ai commencé à se rendre compte que genre hey, je suis un humain, j'ai une personnalité, est-ce que je suis un humain, est-ce que je suis un homme? Non, ben je vais continuer à vivre ma vie. Puis là, dans le fond, c'est comme Skynet, là. Dans le fond, elle s'est rendue compte qu'elle était vivante, puis là, elle développe une personnalité, là. Fait que c'est non. Kristen Stewart va te coucher. Mais c'est correct, je suis tellement d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai su qu'elle faisait un film récemment, là, l'adaptation d'un roman de Jack Kerouac, puis j'ai vu ce tonton, fait que je pardonne un peu moins. Ouais, oh. Ben, je. Un peu plus, je vais te dire la même chose. j'ai vu, puis j'ai fait. Ben! Sa personnalité est là. Exactement. Mais ça, c'est nous autres, on est des gars. Nous autres, on est comme ça. Que tu haïsses une personne, que tu la trouves repoussante, si, à quelque part dans le monde, tu es capable d'avoir accès à une photo ou une vidéo d'elle tout nue, faut que tu le vois. C'est ça. J'ai la misère à ce moment, je trouve que c'est ça. Ouais. Fait que, fuck you, Kristen Stewart. Bon, ben finalement, on s'en est pas très très bien sorti. On a mis ça sur la table, direct en partant. On est débarrassé. Hey, moi, je propose quelque chose. Au début de ton show, vous avez un segment qui s'appelle « Qu'est-ce que va rouler dans votre lecteur DVD? » Puis nous autres, on a quelque chose qui ressemble pas mal à ça. C'est juste Mais c'est juste « Qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? » Ouais, quoi de neuf par chez vous, là? Fait que moi, j'ai quand même écouté peut-être des affaires à la fun, puis certaines ont été recommandées par vous autres, les gars d'Horreur Web, fait que ça pourrait être cool d'en jaser. Ben, let's go. Ben, moi, on va commencer parce que c'est moi qui amène ça sur la table. J'ai écouté la série d'Adam Green, Holliston. Ouais. My God, j'ai tellement trouvé ça bon pis con, mais en même temps, comment je dirais ça? J'ai aimé ça pour les gags, pour les clins d'œil. Toutes les tu sais, c'est vraiment des geeks d'horreur, ces gars-là, on s'entend pis c'est du bon tout le long. Mais il y a tellement d'erreurs, il y a tellement du mauvais acting là-dedans. Il y a tellement de cochonneries que je suis conscient que c'est comme pas bon, mais j'adore. T'sais, c'est un gros candy pour moi, mais j'ai adoré. Ça, c'est sans contrer la comédienne qui joue l'ex Adam Green. Je passerai des heures à écouter ça sans pas de volume. Ouais, non, les deux actrices principales sont assez chics, merci. Mais en fait, toi, j'ai pas trippé tant que ça, mais je peux pas dire que le problème, c'est les acteurs. Moi, à part Adam Green, qui est assez mauvais là-dedans, je trouve que les acteurs sont quand même assez attachants. Et surtout, l'autre, là, comment ça s'appelle déjà? Joe Lynch. Je suis pas un fan de ses films, mais là-dedans, il est incroyablement charmant. Je le trouvais écœurant, puis je le verrais juste acteur. Pas juste réalisateur, mais juste acteur. Moi, les stunts, c'est ça, c'est que oui, si t'es un fan d'horreur, c'est l'équivalent de Où est Charlie? Tu trouves plein d'affaires dans cette série-là, plein de références, t'as plein d'acteurs invités, c'est fou. si t'aimes Adam Green ou Joe Lynch, c'est leur genre d'humour, c'est pas si pire. Il y a des bons acteurs, il y a des bons aussi, il y a des bons ça, il y a des bonnes idées. Comme le chanteur de Twisted Sisters. Dee Snider, il était écœurant. Puis moi, c'est sa joke qui m'a fait tuer. C'est le dernier épisode quand il fait une joke sur il est capable de boire deux bières en même temps, mais c'est comme s'il suçait deux graines en même temps dans les airs. C'est du génie. Moi, j'étais crampé en deux, là. Ouais. Par contre, si t'es un habitué des sitcoms américains, c'est un peu faible comme humour, je trouvais. Souvent, Adam Green va répéter des blagues qu'il a faites dans ses films, donc il vole son propre matériel, puis c'est moins bon là-dedans. Souvent, les blagues sont espacées ou en tout cas, à mon avis, c'est juste pas drôle. Mais quand même, je trouve ça charmant. Il y a beaucoup de charme, c'est ça qui sauve la série. C'est extrêmement charmant. Autant par l'humour que surtout les acteurs, moi, je trouve. Ce que j'ai bien aimé, c'est le nombre de blagues qui sont méta, dans le sens où ce que il débarque carrément du studio du sitcom pour aller jaser avec le réel, avec un cameraman ou whatever. Ou ben quand il parle avec Candyman, puis fait comme... son téléphone sonne, fait « Tapeur, là, je suis pogné sur un esti de sitcom de marre, là. Comment ça s'appelle, donc? Ah, oh, les sons, ouais, je suis pogné, là. Tu plein d'esti de gags dans moi, je fais comme « C'est trash en salle. » Puis là, t'as la grosse face d'Adam Green qui fait le clin d'œil le moins subtil du monde à la caméra, tout cas. Wow. Mais tu vois, c'est drôle, mais il s'est volé de son propre matériel et c'est encore plus drôle dans son segment de Cinérama, de Diary of Anne Frankenstein. C'est le même genre de blague, à un moment donné, il y a ça, t'as un acteur qui meurt, puis après ça, il remplace l'acteur par une doublure noire, puis l'acteur est blanc, puis l'acteur, il fait comme « What the fuck? » Puis, à un moment donné, il traverse, il défonce le décor, puis comme c'est normal, puis continue à tourner. C'est là-dedans, c'est fait meilleur dans The Dave Anne Frankenstein, mais il recopie son humour, puis c'est moins drôle. Je suis d'accord, mais quand même, moi, en frais de divertissement à cave, puis si tu peux, tu sais... comment j'écoutais ça en après-midi, c'est rare que je peux écouter, étant père d'une petite fille, c'est rare que je peux écouter quelque chose d'intéressant en plein après-midi, puis je mettais ça, puis devant ma fille, puis il n'y avait pas de problème, tu sais, j'étais comme diverti, puis j'avais ma dose d'horreur, là, sans avoir de gore ou whatever. Ouais, t'sais, quand même, le gars, son ami imaginaire, c'est Odorous, là, qui vit dans son garde-robe, c'est... Wow, c'est vraiment pas loin de ma propre personnalité qui a plein d'amis imaginaires. Là. À défaut d'avoir des vrais amis, je quand même... Comme Sébastien Bouchard et Dominique Paulus ce soir. Dans le fond, c'est juste lui qui enregistre tout seul, puis on entend ses amis imaginaires. Ouais, c'est un imitateur. Ouais, j'ai comme des talents de comment qu'il y a ça, des projectionnistes de voix. Ah, oh, c'est aussi qu'on s'en va. à part de ça, j'ai reçu... qu'est-ce que j'ai reçu? L'espèce de gros collector edition de fou de Dawn of the Dead, l'original, que j'avais pratiquement oublié depuis le remake. T'sais, j'avais bien aimé le remake, puis je l'ai réécouté une couple de fois. Mais l'original, là, de Dawn of the Dead, tabarnak, il est bien meilleur que le remake. Sérieux, là. Ben, c'est clair. Moi, là, il y a une scène qui me fait rire, puis je l'ai réécouté, puis c'était la même affaire. J'accroche tout le temps, je la fais revenir à toutes les maudites fois. C'est un coup qu'ils sont, tu sais, sont dans le centre d'achat. Ils ont owné la place, il n'y a plus de zombies, ils ont fait le ménage, puis ils se promènent, puis ils ont du fun, puis ils payent. Puis ils s'en vont à la banque pour aller chercher de l'argent pour aller jouer au poker. Puis tu sais, à la banque, là, t'as les espèces de contrôleurs de foule, là, pour faire la file, là, pour aller... Puis ils font tout un après l'autre. Là, tu fais comme vous êtes seul au monde, man. Puis ils font toute attention de pas déplacer les contrôleurs de foule. C'est con. Mais ça, c'est mon petit moment du film, là. Je capote à toutes les fois que je vois ça. C'est putain de génie. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait ça dans le remake? Je l'avais oublié, puis c'était un gros dada. En tant que remake, je trouve qu'il n'est pas si pire. C'est pas le meilleur remake du monde. C'est clairement moins bon que l'original, mais je trouvais que Zack Snyder... il y a l'ailleurs, puis c'était quand même une bonne job. C'est un film de zombies d'époque. En fait, dans ce temps-là, c'était ça. C'est des affaires gore assez actuelles, puis c'est ça qu'il a fait. Puis c'est con, mais quand il a fait son remake, ça faisait pas longtemps qu'on avait commencé à avoir des zombies qui couraient. Mm-hmm. Puis c'était intéressant pour ça, là. Malgré qu'on criait... À cette époque-là, je criais encore au... je disais, oh mon Dieu, ça se peut pas, des zombies qui courent, on n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit, c'est blasphème. Ça dépend, c'est arrivé avant ou après 28 Days Later, ça? Après, je me trompe pas. Ouais, mais c'est ça, je pensais moi aussi, puis un coup, j'ai vu 28 Days Later, j'étais déjà vendu aux zombies qui courent, là. Ouais. L'escalade dans la montagne de panier d'épicerie, moi, ça m'a tellement fait triper, cette scène-là, c'était complètement débile. Ouais, ben, parce que ça rajoute une nouveauté, puis c'est surtout, ça rajoute de l'action dans un film de zombies, tu sais. Les zombies, là, t'es évite, puis ça finit là, tu sais, mais... Des zombies qui courent, c'est fou, là. Mais moi non plus, je suis pas un fan de zombies qui courent, parce que si c'est ça la réalité, je suis mort. Non, mais le pire, c'est vrai, tu sais, moi ici, j'ai le Survival Guide de Zombies, là, de Max Brooks, qui a fait, qui a écrit justement World War Z. Puis, tu sais, je le lis, puis je fais comme, ouais, je pense que je pourrais m'en sortir. Puis là, tu regardes un film de zombies qui court, puis tu fais comme... Tu regardes le livre, puis tu le jettes. Parce que tu oublies ça, c'est fait. La dernière chose que j'ai écouté, je sais pas si... J'ai comme... Ça a presque été un blind buy, parce que sur sur le cover du Blu-ray, il était marqué des créateurs de Machine Girl et Tokyo Gore Police. Puis vous savez comment que j'aime les infusions de sang japonaises et exagérées. C'est un kaiju qui s'appelle Death Kappa. Je sais pas s'il y a quelqu'un de vous deux qui a vu ça. Non. C'est l'histoire d'une petite créature. Il appelle ça des cucumbers, je sais pas quoi. En tout cas, c'est une petite bébite là. En tout cas, un kaiju. Bébite versus grosse bébite. Des buildings qui explosent toute la patente. C'est mauvais, man. C'est tellement poche. Tu sais, le film, c'est une parodie, mais je m'en ai rendu compte aux trois quarts du film. Tu sais, quand l'humour est mal placé, là, pis que ça marche pas, là. Mais tu sais, je veux dire. Comment je dirais ça? Il n'y a pas de raison qu'un kaiju soit fait en 2009 puis qu'on voit encore les fils qui traînent les avions dans les airs. Là, tu sais, c'est... En tout cas, c'est fait avec les méthodes d'antan, mais c'est pas un ordinaire. Ben, tant qu'à ça, on va me taper un Godzilla. Là. Ouais, mais tu sais, c'est tongue-in-cheek puis c'est voulu. Moi, je trouve ça écœurant souvent que tu vois les films. Puis, ben, comme je te dis, je me suis rendu compte que c'est une parodie puis que c'était voulu aux trois quarts du film. Parce que là, ils ne marchait pas. Coup, là, ben, en tout cas, moi, je l'ai comme pas pogné. Puis tu sais, je suis un fan de kaiju. Là, j'en ai vu une chip et une barge. Là. Normalement, ça je pense je peux même pas t'en nommer que j'ai pas aimé, à part celui-là. Fait que c'est, j'ai vraiment été déçu. Puis la prémisse était bonne, là. Les bébêtes sont lettres, c'est bien fait. Mais c'est tout. Fait que c'est ça que j'ai écouté. Toi et mon Seb, t'as-tu de quoi de nouveau par chez vous? À part que ben, tu vas encore me casser les oreilles avec Last of Us, là, tu l'as déjà fait à fin de jouer jeu, là. Chris-nous un peu. Bon, je voulais juste dire de Last of Us. Non, ben écoute, non, c'est ça. J'ai passé mon gros temps que j'aurais pu écouter des films à jouer à Last of Us. C'est quand même un gros 16 heures de jeu, là. Puis, Dom, je sais pas si tu l'as essayé ou quoi que ce non, soit, mais... Non, pas encore. Écoute, je veux me l'acheter, mais il me manque une chose intéressante, là, de l'argent. Ah, c'est vrai, c'est pas pire, ça. Non, c'est essentiel. Puis, en plus, je sais que toi, t'es un fan de Road. Ouais, écoute, The Last of Us, c'est comme s'il y avait lu The Road puis il avait fait, me semble qu'on pourrait faire un jeu vidéo avec ça. Là. C'est ouais, ça vraiment débile. C'est excellent, c'est génial. J'ose dire dans le top 5 des meilleurs jeux PlayStation 3 à vie. C'est un jeu qu'on va se rappeler longtemps. Mais j'ai commencé la sixième saison de Dexter. J'étais un peu en retard dans la série. Ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre, mais on accrochait tout le temps sur d'autres choses. Et j'avais peur à cause que j'avais entendu parler qu'il y avait le thème religieux qui revenait souvent. De temps en temps, ça me tape ses nerfs parce que je trouve qu'il pousse un petit peu trop souvent à mon goût. Là, il pourrait en revenir puis des fois discuter d'autres choses. Mais sinon, j'aime beaucoup ce qui se passe, j'aime beaucoup l'intrigue. Puis à date, là, je trouve que c'est une bonne saison. Je suis peut-être rendu au sixième épisode. Là. Je suis pas un grand fan de Dexter. J'ai quand même tout suivi parce que ma blonde était vendue solide. Mais la sixième saison fait partie des deux saisons que j'ai vraiment aimées. Ah ouais? Les deux saisons. Non, c'est un peu décevant. Et en fait, mon collègue Danny sur notre podcast Horror Web, clin d'œil. comme souvent, si on vous avait pas assez plugué. Ouais, c'est ça. On le fait quand t'es pas là, fait qu'il y a pas de trouble, garde-toi. Donc, souvent dans le podcast, quand il parle de cette série-là, ce qu'il dit, je suis d'accord avec ça, c'est que. À partir de la fin de la saison 4, quand il y a un personnage qui meurt assez important, à partir de là, ils ont la misère à se renouveler et à trouver l'aussi étincelle de génie qu'il y a avant ces quatre saisons-là. Et c'est ça. Et moi, je trouve la 5 et 6, ce sont les moins bonnes. C'est quand même du mauvais Dexter, c'est mieux que n'importe quoi. Là. Mais je trouvais qu'on dirait qu'ils ont perdu quelque chose et qu'ils sont pas capables de retrouver. Et puis là, je parle pas du personnage, là, mais c'est juste qu'il y a une étincelle qui est plus là. On dirait qu'ils ont plus d'imagination. Ce qu'ils veulent aller, c'est plus aussi bon. Puis tu sais, le thème de la religion avec un personnage comme Dexter, c'est écœurant, là. Mais je trouve que c'est mal exploité là-dedans. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est ça. Des fois, comme je disais, des fois, il pousse trop, là. Ça devrait venir plus naturellement que ça. Puis des fois, tu fais comme, calice, là. Encore une autre scène où ils ont trouvé un moyen de parler de religion dans cette scène-là, là, tu sais. C'était forcé, mais j'ai hâte quand même de voir où que ça s'en va. Mais non, c'est ça. C'est tout, c'est vraiment tout ce que j'ai fait côté horreur, à part des cauchemars, mais je vous en parlerai pas. et vous, Mr. Paulus, par chez vous? Moi, je m'étais préparé, donc plusieurs films à écouter et tout. Je me disais, tu sais, je t'ai invité à un podcast, donc je vais me préparer. Hey. Puis après ça, j'ai écouté les podcasts d'Horror Gamer pour savoir à quoi m'attendre. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment professionnel. Fait que j'ai eu de la merde, puis je me préparerais pas. Non, mais j'ai pas eu le temps d'écouter d'autres choses. En fait, je vais juste parler et là, c'est vraiment comme je vais faire de la pub gratis, mais c'est juste ça que j'ai écouté d'horreur cette semaine. Le film qu'on a parlé dans notre dernier épisode, American Mary. Que vous avez écouté, parlé dans un épisode auparavant que je n'ai pas écouté jusqu'à la fin, donc je ne sais pas si vous avez aimé ça ou non. C'est un bon petit film d'horreur, en fait. C'est l'histoire, dans le fond, vous êtes des fans d'Horror Gamer, vous savez c'est quoi l'histoire. Donc c'est ça, j'ai quand même aimé ça, ce film-là. C'est pas un grand film, il y a plusieurs défauts. Il y a des scènes qui ont juste pas d'allure, puis le problème de ce film-là, c'est que le personnage principal, on le découvre trop vite, on n'a pas le temps d'apprendre à le connaître, de ressentir des émotions pour elle, puis de se connecter avec son personnage. Fait que tout le long du film, tu te crisses un peu de ce qui se passe avec elle, même dans une scène de viol. T'es comme, je suis pas supposé de m'en crisser un viol, t'sais, c'est quelque chose d'assez... supposé de me lever le cœur à écouter une scène de viol, puis je suis comme, ben oui, tu sais, ok, puis après. Puis c'est pas une bonne qualité, ça, après une scène de viol, là. Et donc, c'est ça, mais malgré tout, ce que je trouvais, la réalisation des sœurs Saskia est vraiment très bonne. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. C'est une réalisation quand même sobre, qui passe beaucoup par le son, par les images. J'ai vraiment aimé ça. Et ce qui est bien aussi de ce film-là, c'est que même si c'est un thème souvent utilisé, le thème de la morphose biologique, dans le fond, les opérations pour soit te mettre des camps de démons ou te mettre des comme les deux sœurs, c'est ce que, genre des lacets, comme un corset, mais directement dans la peau, là, avec le ruban. Là. Donc, tu vois que c'est un sujet qui les passionne puis qui leur tient à cœur. Puis cette passion-là se transmet dans leur film, qui fait comme t'aimes voir l'histoire puis t'aimes l'univers de ce film-là. Malgré tous les défauts du film là, comme que j'ai nommé tantôt, puis tout le fait que c'est petite crise un peu de ce qui se passe là, mais quand même c'est un bon petit film là, je recommande chaudement à tout le monde. As-tu trouvé que c'est le genre de film que il y avait des scènes que tu disais oh wow, ça va être malade cette scène là, ça va être gore à souhait, ou j'ai tellement hâte de voir quel genre de transformation qu'il va avoir avec ça, puis finalement il y a rien. Des fois il y a comme des trucs qui livrent pas. Oui, clairement. Peut-être justement par la scène que... avec les deux jumelles. Là, ouais, ben c'est, ça en fait, c'était ridicule. Ça, astiques sont pas bonnes. Ouais. Leur accent forcé, là. Ouf. Ouais, les deux sœurs qui ont réalisé le film jouent les deux jumelles. Puis c'est pas des actrices là. Puis comme dans le podcast, je parlais à un moment donné, c'est que t'as l'impression que le film est séparé en deux. T'as la première moitié avant qu'ils apparaissent. T'as le petit bout qui apparaît. Puis là, tu dis comme Chris, j'écoute. Je me suis endormi puis j'ai changé de poste à TV. C'est on dirait une comédie, c'est tellement mauvais. Puis la minute qu'ils disparaissent, là, tu retombes dans l'autre moitié du film. C'est comme, ah non, finalement, c'est juste la merde, cette 5 minutes-là. Mais ouais, on dirait que c'est vraiment, c'est une coupure comme humoristique, mais qui marche pas, ou juste, je sais pas trop quoi. C'est bizarre. Mais sinon, pour les affaires qui lèvent et qui lèvent pas, je pense que c'est ça le but, que ça soit pas super gore. C'est plus, souvent, l'horreur, elle est plus subjective que dans ta face, comme toutes les opérations. Puis, tu sais, la fond, l'affaire la plus gore, c'est que tu vois le gars qui, est comme rendu cul de jatte, là, avec plus de bras, puis plus de jambes. C'est quand même assez hardcore, mais c'est comme The Human Centipede, justement. C'est que c'est hardcore, mais sans avoir de sang, sans avoir des scènes qui te le montrent, genre les bras qui revolent partout, puis le sang, puis tout, là. C'est dégueulasse, mais ça aurait pu être pire. Puis je pense que c'est ça le but, dans le fond. Le but, c'est pas on va se vomir dans la bouche en écoutant le film, c'est plus on c'est comme une fable de La Fontaine qu'on regarde une fille qui est déchue de la vie. Puis, donc ça m'a pas dérangé. C'est tellement drôle d'imaginer American Mary comme une fable de La Fontaine, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. l'analogie est là. Fait que c'est tout, c'est ça que tu as écouté. Un niveau horreur, ouais. Ça ressemble à ça, là. Ouais. Hey, j'ai deux autres petits points que je voulais amener parce que j'ai pas pensé tantôt. Premièrement, au dernier show, on avait parlé de VHS 2, puis j'avais parlé que ma meilleure anthologie ever, c'était l'anthologie Black Sabbath. Puis en feuilletant le remorque de juillet, bang, une grosse page sur ils vont sortir, Kino vont sortir un Blu-ray de l'anthologie Black Sabbath, fait que le 16 juillet, la même journée que le remake d'Evil Dead sort, passez pas à côté de ça, c'est vraiment débile, dirigé par Mario Bava, ceux qui le connaissent, tu sais, ça c'est le genre de réalisateur, t'aimes ou t'aimes pas, moi je fais partie de ceux qui adorent, c'est pour ça que Black Sabbath c'est mon anthologie, je pense, préférée à vie, j'ai déjà fait le call, fait que c'est ça, 16 juillet ça sort Blu-ray, distribué par Kino. manquez pas ça. Un autre affaire. Je pense qu'il était pas si cher que ça quand j'avais regardé, là. Il était très abordable. Kino, c'est ça, SPH, je pense. Ouais. Fait que c'est pas mal toujours autour de ça. Fait que, un autre affaire. Ça, on parlait qu'on était tous des bons bonhommes tantôt. Fait que, tu sais, moi, j'écoute un film, je mange. J'ai déjà fait le cas souvent que moi, j'étais un mangeur de pickle. Je peux passer au travers d'un pot de pickle en écoutant un film parce que c'est comme mon dada. Tu sais, c'est pas les chips, c'est pas le popcorn, c'est les pots de pickle. Mais là, c'est bon, tu as un aliment en forme de pénis, là. Ça fait pas du tout, du tout en parler. Pourquoi je me suis surpris, moi? La perche était longue, tu as tendu, là. Tu as fait même un signe de la main. Check, j'ai une perche. Hey, gars, je pensais pas ça pendant une petite minute. ceci étant dit, moi, ma blonde, elle travaille chez Costco. Chez Costco, ils ont tout le temps des estimes d'inventions bizarres de choses à manger, vraiment étranges. Genre que j'ai vendu l'année passée à bien du monde l'histoire des pretzels fourrés au beurre de peanut. C'était quelque chose. Tu connais ça? C'est clair. C'est débile. C'est un gros, man. J'aime ça manger, puis. C'est un mélange de sucré salé bizarre, mais c'est comme un plus puis un moins, là. On dirait que le goût s'annule. Mais c'était écœurant dans la bouche. Ben, gars, vois-tu ce que je veux parler là, ça s'approche de ça en maudit parce qu'elle a fait une autre découverte de chez Costco. Ça s'appelle le Chicago Mix. Tu connais ça? Non. Ça, mon gars, là, c'est un gros sac de popcorn, là, sac format Costco. Là. Pis la moitié, c'est du popcorn au caramel, genre Cracker Jack. Pis l'autre moitié, c'est du popcorn cheddar. Oh! Non, ça m'a levé le cœur quand elle m'en a parlé. Pis j'y ai goûté. C'est malade. Ça doit. Ah, je suis pas un fan de Cracker Jack, mais par moi contre... Moi non plus. Le sucré pis le salé dans la bouche en même temps, c'est écœurant. Ça a pas de sens. Affaire la plus bizarre, mais je vous dis, jeune loup qui nous écoute à la maison, essayez ça. Ajoute-toi un sac de chips nature. Ajoute une barre de chocolat de ta sorte préférée. Man! Mélange les deux en mettant la C'est tellement la meilleure façon de manger une barre de chocolat, là. Il n'y a rien entre de meilleur. Entre deux chips salés, là. un aéro avec entre deux genres de ruffles, là. Ah, c'est bon. Meilleur que du sexe. Moi, mettons que si tu as du sexe pendant que tu manges ça, c'est encore mieux. Ah, non, man. Bordel total. Les miettes, les filles aiment bien ça. Je me rends compte que les miettes sont plus grosses que ma graine. Puis bon, ça... Finalement, ils mangent les miettes à la place. C'est ça. Moi, je pars dans mon coin avec du chocolat autour de la bouche. Mais non, c'est qu'en plus, on est propre quand on n'a même pas de chocolat autour de la bouche en mangeant ça de même. c'est propre. La chip nettoie le chocolat autour. Fait que c'est... Ouais. Hey, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas inventé ça. Tu sais, genre une chip au chocolat. Là. Je sais pas. Ça me semble tellement évident. Là. Ouais. Moi, l'histoire d'être propre, là, il y a un moment donné, dans le temps que Retro Nouveau faisait des podcasts, Bruno Charger avait lâché le call de, tu sais, les meilleures situations pour gamer. Puis, ah oui. Il avait parlé que mettre des ringolos dans un verre, man. C'est tellement génial. Depuis que j'ai entendu ça, j'ai adoré. Ben oui, c'est fou parce que des ringolos, il y a un trou dedans, tu peux pas t'étouffer. Fait que non. Mais ça marche. Tu mets ça dans un verre, puis tu bois tes ringolos. C'est génial. Ah, man, c'est le paradis. Le seul problème qui arrive avec ça, c'est que je l'ai tellement fait depuis que j'ai entendu le podcast, ça fait quasiment un an de ça, que là, je suis en train d'en faire un écœur en titre aigu, mais ça marche, là. C'est génial. Wow, bravo, Bruno. Oui, tout à fait. Aïe, on a-tu... Hey, man, on a-tu fait le tour, nous autres, là? Ben, je pense que... On va-tu parler d'un film? On a cassé la glace, là. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, là. Nous autres, on est quand même... Les jokes de graines sont arrivées, fait que... Là, parlant de jokes de graines, moi, j'ai fait comme... j'ai cherché longtemps, parce qu'on avait parlé au début que, bon, on voulait t'inviter, puis on s'est rejoint sur Facebook, puis là, bon, viens faire un tour à notre show. Mais de quel film qu'on parle? Là, écoute, on invite pas là, faut trouver un film, tu sais, dans sa catégorie de film, quelque chose qui va pouvoir nous jaser, quelque chose qui... Fait que c'est là que j'ai choisi le film dont on va parler ce soir. En le réécoutant hier, je me suis dit, bordel, j'espère qu'il a pas pris ça comme une insulte, parce que, de toute façon, je pense que je peux le coller, le monde, ils ont sûrement vu le titre de l'épisode avant de le downloader. On va parler de Poultrygeist. D'ailleurs, on va prendre un petit break avant de commencer ça, un petit break musical. Je vais vous faire jouer la chanson au thème de comment est-ce qu'il s'appelle le band qui joue ça? Quelqu'un qui s'appelle... Kali Marie Safari. super chanson, ben intéressant, que si vous prenez le temps d'écouter les paroles, c'est assez représentatif de vers quoi on s'en va. Fait qu'on va prendre un petit break musical, puis après ça, on se lance dans l'aventure Poultrygeist Night of the Chicken Dead. You're sitting at home and your stomach is bubbling. No food in the fridge and your hunger is growing. You hop in your car and head straight to get drive through. Murder with fries described as fast food. You better run, 'cause it's a Poultrygeist. When the blood keeps spilling, this is Poultrygeist. When the spots are killing, you'll be eating alive by zombie chickens tonight. To be baked and broiled, thrown in a pan to be fried in some oil. Et voilà, c'était de la bonne chanson, ça. Autant que la toune, les paroles disent exactement ce qui se passe dans le film, mais le ton de la toune est très joyeux et non vulgaire. Je pense que c'est aussi chaotique que le genre de film que c'est. Fait que, en intro, faut que je parle un peu vite des films trauma, parce que je pense que c'est le premier qu'on fait. Non, c'est pas vrai, on avait parlé de Father's Day, que d'ailleurs on avait tout adoré, puis je pense que toi aussi, Paulus, tu l'as vu, Father's Day. Oui, moi je suis un grand fan des gars d'Ashton Six. Ils sont malades, sérieusement, mais je pense qu'on avait eu, pas de débat, mais je pense qu'on avait parlé, toi t'avais préféré Manborg à Father's Clairement. Day. Clairement. Father's Day, c'est un excellent film, mais je trouvais qu'il souffrait de ce genre de film-là, c'est-à-dire que trop de matériel, ça dure trop longtemps. Et la magie de Manborg, c'est non seulement c'est du génie, mais sa plus grande qualité, c'est que ça dure juste 1 heure. T'as pas le temps de te rendre compte que c'est long. T'as pas le temps d'avoir des scènes superflues. C'est paf, paf, paf. Ah. C'est court, précis, concis. C'était écœurant. Father's Day, quand il décide de déraper, son dérapage est long. T'sais. C'est exactement. Même pas genre, je dérape pour les 10 dernières minutes. Je dérape pendant une demi-heure. T'sais. C'est ça. Ce film-là, comme j'ai dit dans ma critique, il y a tellement de perles après ce film-là que le collier en devient lourd. Là. Il y en a trop. Là, oh, hey, c'est une belle analogie, ça. Parler d'un film de papa qui encule des messieurs, c'est quand même... C'était super beau. Mais en tout cas, tout ça pour dire que en tout cas, Father's Day, ça reste un de nos préférés. On avait eu bien du fun à écouter ça. Manborg, on l'a pas fait encore, mais je pense que c'est ça que vous avez parlé à votre 100e épisode, si je me souviens exactement. Je pense que vous avez pu. On avait parlé sur Facebook, nos trois en réalité, pendant qu'on préparait le show, j'avais posté une photo de mes derniers achats que j'avais fait dans un HMV, juste pour montrer comment j'étais influençable ou ce que j'avais acheté justement à Manborg et la petite boutique aux Des Horreurs, juste pour la fin alternative, mais ça vaut la peine en temps. Ah, c'est écœurant. Ah, je la préfère vraiment à l'original. Ah ouais, moi je suis pas encore sûr, je suis tellement habitué de l'original, là. Comment que c'est fini, mais c'est quelque chose, honnêtement, là, faut le voir, c'est... Ben le pire, c'est que je l'avais vu, je le savais pas, j'avais vu sur YouTube justement la version que je ne conseille vraiment pas à aucun de nos auditeurs, parce que c'est le premier jet qu'il avait fait sur le... Je pense que c'était sur un DVD que Warner avait sorti de ce film-là. Il avait sorti justement la deuxième fin. Mais c'était comme pas de son, en noir et blanc, édité tout croche. C'était pas regardable. Fait que ça m'avait comme laissé sur ma fin. J'ai fait comme, ben là, c'est bien normal, ça a été coupé, ça avait de l'air du yob. là, dans le dernier Blu-ray sorti par Warner, qui est impec, là, soit dit en passant, non, là, c'est une partie intégrale du film, puis c'est de toute beauté. Ça vaut vraiment la peine. Tout ça pour dire que je m'en allais parler des films de trauma. ouais, Father's Day, c'est un des films qui se démarque dans le catalogue de trauma, dans le sens où ce que on dirait qu'il y a plus de budget que tout le reste du catalogue de trauma, parce que c'est une compagnie qui est connue pour ses séries B, des fois plus souvent qu'autrement ses séries Z, qui a été popularisée. Attends, je pense que ça a commencé dans les années 70, même, je pense, 74 ouais. Que j'ai lu. Je pense que le plus gros succès avant le film qu'on va parler aujourd'hui, c'était Toxic Avenger, si je me souviens bien, que tout le monde connaît. Oui, c'est Toxic, c'est leur vache à lait. Ouais, Toxic a quand même engendré le cartoon des bébelles, puis toute la patente, là, c'était quelque chose de vraiment big, puis tout le monde connaît Toxic Avenger, là, sérieusement, tout le monde qui a déjà vu un film d'horreur dans sa vie a vu Toxic Avenger. Même pas besoin d'avoir vu un film pour connaître le titre Toxic, comme tu dis. Puis depuis ça, je te dirais que Lloyd Kaufman, la tête dirigeante de ça, et sa gang se battent pour être à la défense des films à petit budget, les films indépendants, mais vraiment low. Puis ils ont des titres assez étranges, merci. Je me rappelle avoir Jesus Christ Vampire Hunter, depuis quand j'ai vu ça, ben premièrement, ça a été un achat indirect juste pour le titre. La pochette criait « film d'exploitation minable ». Le film l'est, mais... C'est ça, tu sais, c'est une compagnie qui se bat pour l'indépendance, ou ce qui encourage tout le temps n'importe quel réalisateur qui a une idée le moindrement songée, loufoque, ou ben, en tout cas, comme Lloyd Kaufman le dit, s'il y a de la pisse, de la merde, du sang puis du vomi dans ton film, je l'achète. Fait que ça décrit quand même assez bien, fait que, disons que quand on magasine un film de trauma, c'est un film de party, un film ridicule, qu'on s'attend pas à une grosse réale de mongol, on s'attend pas à une production de fou, des budgets de débiles. On s'attend à un film de party drôle qu'on va rire, puis on met le cerveau de côté, puis que... C'est un peu pour ça que j'avais peur un peu d'insulter notre invité de ce soir, parce que j'ai choisi un des films, le film Poultry Guys, qui se trouve être la dernière, disons, coqueluche, parce que bon, il y en a eu d'autres, mais ça a été le film qui a été le plus... Disons, le mieux accueilli de tout le catalogue trauma qui, écoute, on s'approche de 200-300 films, là, je pense. Là. Fait que c'est quand même un des récents, et un qui a été acclamé par la critique, si on peut le dire ainsi. Ben quand même, quand tu regardes un peu la critique, ce qu'elle en a dit, c'est con, mais c'est impressionnant. Tu sais. Ouais. Rotten Tomatoes, il donne quand même un 62% là, pour un film de série B. Même pour un film d'horreur, c'est pas si pire. Puis IMDb, il donne 6.1. Je vois que t'as très bien lu Wikipédia, qui disait aussi que le New York Times avait dit que si ton genre de film, c'est du vomi puis du sang qui revole tout partout, c'est quand même pas si mal, puis ça a été fait avec brio. Chose que, même quand je l'entendais, puis que moi, lire ça dans le New York Times, j'aurais fait comme... Eh ben... Ça a coûté combien? Ça a coûté... Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a coûté combien cette pub-là? Le commentaire, ouais. C'est un film de, 500 000. Tourné en 35 mm, on s'entend. 500 000, tu dis, Je sais pas comment ils ont géré ça. Mais bon, pour résumer le film, je pense que je vais laisser la place à notre invité pour, c'est ça, parce que je suis poli, tout simplement. Malgré tout ce qu'on a dit hors ronde, puis qu'il a complètement pété ma bulle sur Patrick Sénécal. je fais encore semblant d'être poli, fait que... Voudrais-tu nous résumer Poultrygeist, Night of the Chicken Dead? Ben oui, parce que moi aussi je suis poli, c'est-à-dire que ni un ni l'autre voulait le faire, fait que la job m'en revient. Donc... Donc, Poultrygeist raconte l'histoire de Harvey, qui lui est un jeune garçon qui sort avec sa blonde, qui lui est amateur de se frotter le zizi contre sa blonde par-dessus son pantalon dans un cimetière de zombies et de se faire entrer des doigts de zombies dans le derrière. Et donc là, finalement, c'est leur dernière soirée ensemble parce que sa blonde va à l'université. Et donc, Q, quelques mois ou quelques semaines plus tard, sa blonde, en fait, lui, va se promène tout bonnement comme ça, la la la. Et... Donc, tombe sur une manifestation devant un nouveau restaurant de fast-food de poulet, puis il voit sa blonde, puis là, sa blonde est devenue lesbienne, puis elle fait la manifestation, puis il est comme, ah ouais, t'aimes ça manger des vagins? Ben, je vais aller travailler au restaurant que t'as eu. Fait que là, il s'en va dans le restaurant se prendre un job, puis là, évidemment, comme dans tout bon film, il l'a, tout bonnement, parce qu'aussi, c'est un restaurant de marbre. Et donc, là, c'est donc les aventures de Harvey qui essaie de faire sa première journée dans le restaurant pendant que sa blonde, lui, fait la manifestation avec sa lesbienne. Puis là, tout ça t'engendre et tu mets des œufs de poulet zombie géants là-dedans avec des clients qui aimantent puis qui chient partout ses murs. Puis ça devient un carnage incroyable, ce film-là. Donc, voilà. Il faut pas oublier de dire que... Puis il y a des chansons. Ouais, c'est ça. C'est une comédie musicale, si on peut appeler ça ainsi. Et puis, pour bien décrire le American Chicken Bunker, qui se trouve être l'espèce de restaurant dans lequel Harvey travaille, puis ce au quoi tout le film tourne autour, je sais pas, vous avez connu ça, vous autres, à Vrac TV, un show qui s'appelait Une Grenade avec ça. Oui, avec c'est la même affaire. Harrison. C'est ça, elle a dit, c'est la même affaire, mais pas de pédophile en arrière du comptoir. Je dirais, peut-être pas. Écoute, je pense plus gaise, là. Mais ce qui était carré en train de faire, ceci étant dit, je sais pas par où commencer si. Écoute. Je la trouve vraiment trop. C'était-tu trop? Moi, j'aime ça. Tu sais, vraiment, tu sais comment me recevoir quand tu fais des jokes de pédophile. Je suis heureux, je suis heureux. Tu sais comment me présenter les femmes. Écoute, je vais y aller vite fait avec mes impressions du film, vite demain. Dans le premier 5 minutes, quand tu racontais tantôt l'histoire de bon l'espèce de scène de cul dans un cimetière indien, c'est le premier 5 minutes où ce que tu vois, c'est ça. Du cul dans un cimetière indien où ce que Harvey explique que, tiens, sa mère, c'est une... Attends un peu, c'est parce que, bon, sa blonde s'en va aux études, puis tu pourrais me suivre, pourquoi est-ce que tu viens pas avec moi? Il dit, écoute... Ma mère, c'est une attardée, mon père est aveugle, faut que je puisse prendre soin d'eux autres. Drette en partant, tu fais comme, wow, ok? Puis c'est là qu'il se fait rentrer un doigt de zombie dans le cul, qui a une espèce de gros dégueulasse qui arrive à côté, qui est en train de se. En tout cas, un maniaque à la hache qui tient la hache d'une main puis sa queue dans l'autre. En tout cas, c'est le premier 5 minutes-là. C'est tellement trash que là, tu te dis, de quel genre de film de fuck que je viens de m'embarquer? Moi, j'ai commencé ce film-là en me disant que, justement, j'avais eu des bons comebacks de d'autres podcasts, comme de quoi écouter ça, c'est malade. Après ces 5 minutes-là, j'étais plus convaincu, pantoute. Et puis, ça va juste de pire en pire, de jokes les plus politiquement incorrects possibles. J'ai commencé, en écoutant le film hier, à vouloir les noter une par une, voir, tu sais... pouvoir lâcher les meilleurs. Après la première demi-heure du film, j'avais une page de fête, j'ai fait comme fuck off, mais ça a complètement juste pas de sens. Tout le monde y passe, là, tu sais, c'est misogyne à côté, c'est anti-homosexuel. Les Mexicains homosexuels y passent bien raide. Les Arabes, c'est assez terrible. Mais les rednecks, c'est vraiment drôle, là, le personnage de Carl Jr. qui se trouve être le meilleur redneck au cinéma que j'ai jamais vu de ma vie. Les chansons sont dégueulasses. Tu sais, je veux dire, c'est chanté. c'est chanté tout croche, mais par les vrais comédiens, c'est bien évident que c'est pas des chanteurs. Les chorégraphies, c'est particulier. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce film-là, honnêtement, à part l'ensemble de l'œuvre, je pense. Les jokes, je te dirais, moi, ça, il y en a à moitié qui marchent pas, l'autre moitié sont écœurantes. Il y a une espèce de magie dans toute cette shit de film-là que je ne comprends pas pourquoi Je le dis tout de suite, j'adore autant. Je suis gêné de prendre ce film-là, de faire écouter ça à des gens. Je me dis, check ça, comment que c'est bon. C'est dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens. C'est gênant d'aimer ça, ce film-là. Mais je l'adore. Il y a une super de belle scène de carnage. Il y a du sang à pu finir. Il y a des personnages attachants, comme qu'il y en a d'autres qu'on aime beaucoup détester. Mais aucun qui a de la profondeur, aucun qu'on peut dire qui est bien écrit, aucun acteur digne de ce nom, puis ça, on va en reparler. Mais, je sais pas, j'adore ce film-là. Point barre, c'est tout ce que je peux dire. C'est l'ensemble de l'œuvre, je sais pas. Je sais vraiment pas, puis je me trouve con un peu d'annoncer ça de même. Je sais pas pourquoi j'aime ce film-là, mais c'est ça. Je pense que c'est de la magie. Vas-y donc, Seb, on va se garder la crème pour la fin. C'est bon. Écoute, moi, là, Poltergeist, première fois que j'en avais entendu parler, c'était à ma job. Il y a un gars à ma job qui est fan d'horreur. Et oui, moi, j'ai eu la chance d'avoir un fan de films d'horreur à ma job, donc on peut jaser de ça sur l'heure du dîner ou en travaillant, en jasant sur Skype. Puis, lui, particulièrement, il est fan de trauma. Tout ce qui est film trauma, il trippe là-dessus. Bon, donc, puis, ton gars, c'est vraiment pas quelqu'un qu'il faut fréquenter. Non, c'est ça. J'avais dit, OK, garde-moi trauma. Je suis pas un fan. J'ai jamais accroché là-dessus. Qu'est-ce que tu me dirais qu'il faudrait que j'écoute pour commencer là-dedans? Admettre, parce que j'avais déjà essayé quelques-uns, puis ça avait plus ou moins accroché. Puis, il me dit, essaye Poltergeist, tu vas t'amuser. Et là, je l'avais écouté. Et je me rappelais avoir fini en me disant « Ouais, j'ai aimé ça. » Mais ça fait longtemps de ça. Donc là, quand tu me dis « On va écouter Poltergeist », je me dis « Ah, cool! Je vais réécouter Poltergeist. J'ai hâte de le réécouter. » Puis là, je le commence, puis je me dis « Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film-là? » Là, ça commence avec la scène dans le cimetière, puis je me dis « Ouais, mais qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film-là? » Là, on arrive avec la première toune. Mais qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film-là? Puis là, on arrive avec la joke de Jared, où c'est un gros gars. il chie partout dans les toilettes, mais il chie. Puis c'est dégueulasse. Ça me lève le cœur. Puis je me dis, mais tabarnak, ça fait juste une demi-heure. Ouais, c'est pas censuré, c'est pas si dégueulasse que ça. Ah non, moi, ça m'écœure parce que j'ai déjà vécu quelque chose de même à ma job, parce qu'il a fallu que je fasse, j'ai sué des murs, plein de marde. OK. Ouais, too much information. Ouais, OK. Disons que j'avais des gants plastiques. Puis, c'est beau, OK. On voit le... C'est beau. Ouais, c'est ça. Tu sais? Fait que, tu sais, je trouve ça dégueulasse. Puis je suis comme, ah, tabarnak. Puis là, ça fait une demi-heure que le film est commencé. Puis je me rappelle, je suis incapable de trouver qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film-là. Puis là, le film finit. Puis je fais, mais j'ai donc bien aimé ça. Je me dis, Simonac, puis là, je me rappelle de certaines tunes, puis là, j'aime ça. Puis je me rappelle, comme tu dis, des jokes, puis je me dis, mais c'était donc bien drôle. Moi, la joke de la madame qui est devenue une poule zombie, qui arrache la face de l'autre, puis qui regarde son mari en disant, moi, je sais que c'est engraissant, mais ce que je préfère, c'est la peau. Moi, tu sais, des jokes de même, ça me fait rire, tu sais. C'est parce que c'est juste... Pogne tout ce que tu pourrais faire comme joke de poulet au monde, là. Puis ils sont dans ce film-là, tu sais. Moi, arracher la tête de quelqu'un, la casser sur le bord d'un comptoir, puis l'ouvrir comme si c'était un œuf pour en faire une omelette, je trouve ça drôle, tu sais. Mais ça m'a vraiment diverti, mais je suis sûr que dans 2 ans, je vais encore vouloir réécouter ce film-là, je vais le commencer, puis je vais me dire, mais qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans? C'est le genre de film que... On le sait pas pourquoi qu'on l'aime. Tu l'as dit, c'est de la magie, mais je sais pas. C'est de la magie de trauma, c'est la musique, c'est le genre de... On s'en calisse du film qu'on fait, on veut juste s'amuser. On dirait qu'on le sent là-dedans. Pourtant, j'ai écouté le making-of, puis il y a d'autres choses qui transparaissent, mais ça, on en jasera plus tard. Mais oui, j'ai aimé ce film-là, puis autant je vais être capable de te nommer plein de défauts de ce film-là qui me tape sur les nerfs, puis autant je vais être capable de te nommer plein d'autres trucs que j'ai adoré là-dedans. Fait que c'est tout ça? Voilà. Mais après ça, on pourra en venir plus en profondeur. Bon. Dominique, à part du fait que Ron Jeremy fait un caméo, qu'est-ce que t'as... Raconte-moi dans, c'est quoi tes gros... Mon héros, Ron Jeremy. Donc, on me dit, t'es invité au Horror Gamer Show, on va écouter Poltergeist. Fait que là, je me disais, mon Dieu, je me sens comme une rockstar, je suis un artiste invité sur un podcast, mon Dieu, ça va être l'équivalent d'un président, mettons, comme président des États-Unis qui s'en va dans un autre pays, puis là, t'as la délégation qui est là pour lui, puis qui est aux petits oignons. Fait que je me disais, ça va être écœurant, puis là, dans le fond, je me sentais comme le président qui débarque d'un avion, mais en débarquant de l'avion, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule, je me retourne, puis c'est une grosse madame moustachue de 400 livres qui me frappe au visage. Fait que là, je me retourne à terre. Et là, pendant que je t'attends à déboussoler, elle s'assoit sur mon pelvis, puis là, elle s'assied sur moi pour pas que je me débatte. Puis là, c'est inconfortable, bien grosse, puis je sens son entrecuisse sur mon entrecuisse, puis c'est humide, puis c'est chaud, puis j'aime pas ça. Puis là, pendant que j'essaie de me débattre pour m'enlever de la grosse madame, je me regarde en arrière, puis là, il y a un gros monsieur, mais lui de 500 livres, qui s'approche vraiment doucement, comme, tu vois qu'il est gros, il a l'air à marcher. Puis là, pendant qu'il marche, il enlève son pantalon de jogging, puis là, tu te rends compte que dans le fond, il va se mettre par-dessus ta face. Là, plus il s'approche, plus tu regardes qu'il y a des testicules pendantes, puis ils sont poilus, puis ils sont pleins de sueur, qu'on passe dans sa craque, puis tu sens l'odeur. Puis là, pendant qu'il s'approche, il est comme « Non, non, non! » Puis là, finalement, il est au-dessus de toi, puis là, il se penche, puis tu fais un teabag, puis là, tu sens la sueur qui coule sur tes yeux, tu es comme « Ah! » Je me sentis comme ça pour Poltergeist. Là, je t'ai dit tout de suite, on vient de perdre tous nos auditeurs, ils s'en vont, toi, t'écoutais ton show, ils veulent plus rien savoir de nous autres. Vraiment, là, moi, trauma en partant, c'est trop pas mon genre. Oh, trauma, trop pas. Ouf. On vient de récupérer une coupe, là. Hein? On vient de récupérer une coupe de nos auditeurs. Là. Ah, d'accord, super. Donc, alors, rebonjour, les poussinots. Donc, moi, c'est ça. J'ai jamais été capable de ce genre de film-là. Je trouve que c'est pas bon. Et Poltergeist, c'est exactement ce qu'on parlait tantôt de Father's Day. Je me souviens plus si on l'a enregistré ou non, mais c'est que ce film-là, ce qui m'est... J'adore Father's Day, mais ce que j'aime pas de ce genre de film-là, c'est que souvent, ils vont essayer de trop mettre d'éléments dans ce film-là, ce qui fait qu'à un moment donné, le film s'étire, puis ça part dans tous les sens. Et le problème avec Poltergeist, c'est que c'est exactement ça, mais sans aucune bonne perle. C'est juste du mauvais, puis ça part dans tous les sens. 1h45, une comédie musicale sur des poulets géants, puis à un moment donné, tu te dis, ben, il y a des poulets qui vont arriver, puis ils arrivent après 1h30 quasiment, puis c'est long, puis c'est plat, puis il se passe rien. Vraiment, là, l'humour, elle marche pas. Il essaie de faire de l'humour intelligent, politique, ça marche pas. À un moment donné, il y a une joke qui parle des corporations, tout, puis il fait une joke, je me suis même plus, parce qu'elle est pas intéressante. Tout ce que je me rappelle après ça, c'est que tu vois, il filme un gros plan sur le monde en arrière, qui sort tout en même temps, synchronisé, un gros verre de Starbucks qui peut boire en même temps. Puis là, t'es supposé te dire, ah, oh, mais c'est donc bien, c'est tombé brillant, cette blague-là. Comme, non, non, non, non, non, non, non. Et c'est la blague qui marche le mieux du film. C'est pour te dire, là. Et je trouve ça long, je trouve ça plate. Les tunes sont pas bonnes. Puis, tu sais, j'aime ce genre de film-là, fait avec peu de moyens, puis on a du fun. Mais le problème, c'est que autant des films que j'aime de ce genre-là, c'est que tu vois que les gars, ils ont pas de moyens, mais ils se forcent. Ils ont une passion derrière. Et vraiment, là, tu sens leur amour du genre derrière leur film. Même si les blagues sont moins drôles, tu le sens. Avec Love Kaufman, là, je m'excuse, mais je le vois juste... le bonhomme, il est fatigué. Tu vois qu'il fait juste faire des films, puis c'est comme, oh, je m'en crie. On fait des jokes plates, puis ben oui, je le sais, puis that's it, puis on se fait aller le cul dans le G-string, puis c'est ça le maximum de mon humour, puis c'est ça le maximum d'efforts que je vais faire. Me trémousser le cul dans un film, mais niveau réalisation, je me forcerai pas, puis encore moins niveau blague. Il y a quand même une couple de qualité dans ce film-là. J'ai bien aimé les effets spéciaux, puis il y a des scènes gore cool, comme... vous disiez, genre, la bonne femme qui arrache la face du gars, puis une couple d'effets, genre, des têtes arrachées, puis tout ça, puis t'es comme, quand ça se passe, t'es comme, waouh, c'est génial, j'adore ça, mais autrement, c'est plate. Donc, c'est ça. Sinon, ce que j'aime pas aussi, moi, quand j'écoute un film, j'aime ça d'écouter de A à Z. J'ai eu ça me faire déranger, j'ai eu ça arrêter un film. Si j'ai envie de pisser au cinéma, je me retiens jusqu'à temps que j'explose, je me lève pas pour aller voir, pour arrêter le film. Quand chez nous, encore moins, je vois pisser, puis je laisse le film rouler, puis j'essaie de du coin de l'oreille. J'ai ça quand on écoute un film, puis ma blonde arrête le film pour parler au téléphone parce qu'elle n'est pas capable de pas répondre au téléphone. Et ce que j'aime pas, c'est quand j'écoute un film, puis qu'il y a tellement de totons que j'ai goût de m'arrêter du film pour me crosser. C'est en plein ça que c'est passé. Il y a une scène là-dedans qui est assez surréaliste où est-ce que le gars s'imagine dans la chambre avec son ex, puis sa nouvelle blonde à elle, puis là, il faut rentrer lesbienne, puis t'as des chanteuses de background qui sont torse nus en petite bobette puis qui chantent, là, t'es comme, mais il y a trop de totons, là. C'est, tu comprends pas, là. C'est... Le bon dosage de totons a été dépassé, là. T'as explosé le niveau de totons permis, là. C'est... Mais, moi, ce scène-là, c'est même pas genre le niveau de totons est permis, c'est que tu les regardes et tu fais. Sont même pas à l'aise de montrer le toton. Oh non, mais un toton mal à l'aise, il aura beau être hyper beau, s'il est mal à l'aise, je l'aime pas. C'est ça, mais en plus, c'est que c'est surréaliste comme scène, c'est vraiment, t'es comme, mais ça sort d'où? Parce que, tu sais, jusqu'à là, il y avait eu un peu de nudité au début, une couple de blagues, mais là, t'es comme, est-ce qu'ils ont coupé avec une scène d'un film de Ron Jeremy, puis ils ont voulu nous le dire, puis ils ont rajouté juste la chanson par-dessus? Et ce qui me met mal à l'aise de cette scène-là, c'est que l'actrice principale, je trouve belle en tabarnak. Habituellement, c'est pas mon genre, ce genre de filles-là. J'aime bien les filles un peu totounes, mais elle, là, astique, elle est belle. Elle est vraiment belle. C'est pas mon genre, mais elle est vraiment belle. Puis elle me fait penser à une autre actrice, mais je suis pas capable de mettre le doigt dessus, là. Mais elle est vraiment belle. Puis elle se montre les totons, t'es comme tabarnak. Je suis comme tiraillé entre le goût d'arrêter le film, puis de me sortir la graine, puis de me toucher. C'est comme, c'est pas supposé, là. C'est un combat intérieur qui devrait être interdit, carrément. C'est contre nature. Et sinon, en fait, moi, c'est ça, vraiment, là. Tantôt, je me suis retenu pour pas faire mon résumé, parce que ce que je voulais faire, c'est que le résumé, le résumé du film, c'est que c'est l'histoire de qui rencontre qui se passe. Ben, c'est ça pendant 1h45, le tag de fête. Ouais, oh. Au montage, je te dirais que le gars qui fait les cotes au son. Je te dis qu'il y a eu tout un job de pète, puis d'assemblage, de bruit de pète, puis de ballon dans le ventre. Puis non, sérieux, c'était assez impressionnant. Puis de bon? De... Mais honnêtement, là, on en revient. moi, je pensais, puis non, j'essaierai pas de défendre parce que tes arguments sont très très bons. c'est dur de défendre le fait que d'un film que je sais même pas pourquoi j'ai aimé. C'est juste que. Ben, tu comprends, c'est un genre. T'aimes ou t'aimes pas, tu peux pas avoir de juste milieu. Ah, je te dirais que de façon générale, je suis pas un grand fan. En dehors de justement les grands classiques, je suis pas le plus vendu à ce que Tromo ont distribué. Sauf que là, c'est le côté, je te dirais, le politiquement incorrect qui a été poussé à une limite assez extrême. Écoute, moi quand je vois le général, l'espèce de gérant du American Chicken Bunker. Fait penser un peu au Colonel Sanders. Tout à fait. Ouais. Moi, je l'ai dit, c'est un mélange entre une grenade avec ça et un PFK. Quand il lâche le call devant toute la foule, comme mon grand-père, il disait, amène-moi ces allumettes-là, cette croix-là, elle brûlera pas tout seul. Mais là, je suis parti à rire, je fais comme, oh my fucking God, il a vraiment dit ça. Les calls de l'espèce de... de Redneck, là, Carl Jr., là, qui veut l'amener à l'hôpital, là, pis qui, la première chose qu'il lâche, c'est comme, si tu m'amènes à l'hôpital, assure-toi que c'est pas un foutu docteur juif de marde. Je suis comme, waouh, il a encore dit ça, c'est complètement débile. Pis quand il arrête pas de traiter Paco Bell, qui est déjà, Drella, le nom le plus dégradant que tu peux pas donner à un Mexicain qui travaille dans une chose de fast-food. J'ai pogné, fun facts, tous les noms des personnages font référence à Ouais, Denise, Paco Bell, justement, Wendy's, Denise, Arby's, Humus, Humus. Tu vois que ça vole haut comme le style du monde. Ouais, tu vois, le gars, c'est forcé, là. Tu dis comme. Tu sais, je l'appelle Tom ou Taco Bell. Tu dis comme, ça va être Taco Bell. Écoute, regarde, ok. Au début, quand t'as la scène des manifestants qui sont là, puis qu'ils sont en désaccord avec le fait qu'ils ont bulldozé un cimetière indien. Pour installer le American Chicken Bunkers, puis t'as là, t'as justement, je pense que c'est le gérant, le black qui débarque, qui dit c'est quoi votre problème? Ah oh non, c'est quand Garby, justement, il croise sa blonde, puis qu'il lâche un. Il dit c'est quoi là? Pourquoi vous battez? Il n'y a pas personne d'indien entre vous autres, puis qu'il s'en va chercher le chief, encore une fois, son nom est très recherché, le chief, what's his name? Puis. C'est l'Indien classique, là, pacté raide. Puis tu le vois en train de prendre une gorgée de bière, il se vomit un peu dessus, puis t'entends en background la foule qui fait comme « Ah, oh, il est tellement noble! » J'ai trouvé ça tellement cliché, puis tellement pas hot. Wow. Ouais, combien de blagues comme celle-là? je dois te le donner. Et sinon, ce que je dois te donner aussi, c'est moi aussi, Carl Jr., je l'ai bien aimé, surtout sa scène avec le poulet. C'est la seule que je me suis, genre, comme, c'est fort. C'est ben, quand ils le présentent, Carl Jr., tu sais, puis qu'ils disent, ah oui, je le connais, on est allé à l'école ensemble, on était dans la classe des débats, un contre l'autre. Il dit, oui, moi, j'étais contre la zoophilie, puis lui, il était pour, puis il dit ça, tu sais, il est en train de se décrotter le nez avec une tête de poulet sec, là, c'est comme... juste le perso avec son gilet comme trop court, ses culottes trop basses, le poil partout, puis son accent de redneck, tel, pire que dans toutes les films de Rob Zombie mis ensemble. Non, sérieux, là, il torche, là, Carl Jr. Là. En plus, la ligne la plus épique qu'il peut lâcher, man, je l'ai noté. Eat my meat, you vegan whore. C'était bon, là. Commande. Tu sais, moi, c'est bête là, je serais tatoué. Je vais écrire ça sur ma tombe, là. Écoute, ça va être le fun pour tes enfants quand ils vont aller montrer ça à leurs enfants. Ça va faire, mec, je suis mort, ça va faire longtemps, mes enfants vont m'avoir renié. Non, mais je suis un peu déçu. juste quand que Arby, justement, écoute, Jared, j'ai trouvé ça tellement drôle. Tu sais, le bon vieux Jared des annonces de Subway qui se fait ridiculiser par un. Et si bol, un vrai de vrai gros Christ dégueulasse qui explose en marde, ok, on s'entend. Quand tu vois Arby qui est chargé de réparer ça, qui chante sa chanson, qui pense à son amoureuse, qui dessine un beau gros cœur en caca sur le mur, je fais comme waouh, là c'est sûr que Paulus va aimer ça là. Et non. J'ai quand même des standards dans mon niveau pipi caca, tu sais. Tu me prends pour qui, man? Non, mais écoute, j'ai essayé. Bravo pour l'effort, mais c'est pas mal tout. Mais vraiment, je m'entendais où ça aimait ça, tu sais. Ça avait l'air du meilleur de Trauma et tout. Puis il me disait, si eux autres m'ont proposé ça, tu sais, puis ils me connaissent, fait que ça va être bon. Puis clairement, non, tu me connais pas, fait que bah, chier. Eh ben, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que la vérité, c'est qu'on voulait avoir Danny, mais le budget n'a pas permis. Fait qu'on s'est contenté de Paulus. Tu dois s'arranger pour qu'il revienne. Non, mais aussi, il est écoute... Oui, vas-y. Mais en fait, je vais me répéter un peu mon argument, c'est que c'est ça le problème. C'est qu'il y a juste trop de stock. Ce film-là enlève une heure, et c'est pas des blagues, enlève une heure, sûrement que ça va être 100 fois meilleur. Il y a trop de superflu, il y a trop de scènes allongées pour rien, il y a trop de niaiseries. Raccourcis ça un trois quarts d'heure, une heure, comme Manborg, là, puis ce film-là, il s'en fera mieux. Là. Mais quand tu regardes le making-of de ce film-là, parce que... Ah, ça, c'est spécial. Puis, je sais pas si tu l'as écouté, Dom? Non. Non? OK, quand tu regardes le making-of qui, moi, m'a encore plus diverti que le film... c'est ce qui est quand même drôle, mais je soutiens que j'aime le film pour des raisons que j'ignore. Ça, c'est le set de Ben qui parle. Là. Ouais, hein, je pense que oui. Non, moi, je fais juste de la poudre, fait que ça n'a rien à voir. Okay. Bon, ben, il y a tout fait les deux en même temps. Moi, ouais, probablement, ça doit être un drôle de mélange. Mais non, c'est ça, le making of, tu te rends vraiment compte que Lloyd Kaufman essaye un million de trucs et que moi j'ai vu dans ce gars-là quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait. C'est drôle, mais c'est con parce que tu sais je le dis des fois peut-être plus dans le fond du jeu, je le dis, bon, j'ai fait un bac en bar, j'ai suivi des cours de théâtre puis de non t'arrêtes pas de le dire ça. C'est vrai, non, c'est Joël qui le dit. Non t'arrêtes pas de le dire, c'est comme ton voyage en Irlande, t'arrêtes pas de remettre ça. Mais c'est ça, parce que si tu te dirais pas, on saurait pas que t'as fait ça, là, puis on se dirait, ben, il est bien pourri, ce gars-là, là, pour ça, quand est-ce que t'as dessus des cours, c'est comme, ok, il est pourri, mais ça mais... change rien, là, c'est... Non, mais regarde, j'ai suivi ces cours-là. Il y en a déjà des cours, fait qu'imagine pas de cours. Ben. Non, mais imagine, j'ai suivi ces cours-là, ben ça, j'étais en informatique, ça veut tout dire. Non. Mais, j'ai vu du monde pas savoir quoi faire, là. Tu sais, j'en ai vu des tournages mal allés, là. Ou même que c'était moi le réalisateur là, sur les tournages, puis que ça allait mal. Mais j'ai jamais vu des tournages aussi mal aller que Poltergeist, tu sais. Où que tu regardes le réalisateur puis l'auteur, puis on dirait qu'il parle pas du même film, tu sais. Où est-ce qu'il s'astine sur des conneries, puis sur des détails que tu te dis, ben voyons donc, mais c'est réglé en 5 minutes, mais que... On dirait qu'il y a zéro... zéro compréhension du film. On dirait qu'ils savent pas quel genre de film qu'ils s'en vont faire. Parce que, clairement, au début, après la scène du cimetière, tu fais comme, ah ouais, ça va être une comédie musicale. Et là, ils rentrent dans le restaurant, Ah ouais, ok, ça va être une comédie musicale parce qu'il chante la toune ou ce qu'il va être avec sa blonde puis sa lesbienne, puis comme tu dis, les 28 tatons en même temps. Puis, plus ça va, le film, on dirait qu'on se dit, ok, mais là, la comédie musicale a comme disparu pendant 40 minutes. Il n'y a comme plus rien. On dirait qu'il a comme oublié que, ah oui, il fallait que je fasse des tounes, mais on n'avait pas le temps, fait qu'il n'y en aura pas pendant 40 minutes. Que tu dis, ok, c'est pas vraiment une comédie musicale, c'était juste des petits clins d'œil, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme tu dis, un film de zombies avec des poulets, mais il arrive vraiment tard. Fait qu'au début, tu te dis, ok, ce sera pas ça, ça va juste être un film avec des jokes de marde, puis de monde qui tombe dans des. Qui se font tuer par des trucs un peu weird. Mais non, finalement, il va en avoir des poulets, tu sais. Mais c'est drôle, autant que le film sait pas où ce qu'il va. Moi, c'est peut-être pour ça que ce film-là m'a resurpris la deuxième fois, parce que après la première écoute, c'était comme impossible que je me rappelle c'était quoi, de quoi parlait ce film-là. Parce que ce film-là parle de rien. Tu sais, c'est comme on a des blagues de poulets mutants, puis des blagues de corporations, puis des tatons, puis de la musique, puis on a décidé de mettre ça dans le même film, puis ça a donné ça. Fait qu'à la fin, tu sais, tu te dis, OK, là, on en parle, puis j'ai comme de la misère à faire une ligne directrice de ce film-là, tu sais. C'est parce qu'il y en a aucun. À la fin, mon feeling est comme, mais il y en a pas, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression que dans 3 ans, je vais le réécouter, puis je vais encore me dire, c'était quoi donc, ce film-là? À un moment donné, dans le making-of, on voit justement le caméraman qui filme justement le documentaire du making-of, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube, ça s'appelle Poultry in Motion, je conseillerais au monde qui sont intéressés par le film de le voir ça. Il y a le caméraman qui filme le documentaire, qui s'en va voir un scénariste, puis qui dit es-tu inquiet pour les erreurs de continuité rendues au niveau ce qu'on est? L'autre il la regarde, il n'y a aucune continuité dans ce film-là. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ah oui, c'est vrai. Ils sont en train de le montrer, là, puis ils sont extrêmement conscients de ce qui se passe. Toute l'équipe est complètement démolie. Il y a juste Kaufman qui, lui, dans sa tête. Écoute, Kaufman, là, pour le monde qui ne connaisse pas, quand on voit ce personnage-là dans ses entrevues ou whatever, c'est un genre de vieux grand-père sympathique qu'on voudrait tous l'avoir comme chum. Il n'est pas capable de planter, de dire une phrase sans plugger un de ses faits, mais il a de l'air comme, tu sais, d'un bon bonhomme joyeux. Mais quand tu le vois en dehors de ses entrevues, justement, dans ce making-of-là, tu te rends compte que c'est un fucking dictateur hardcore, mon gars. C'est assez débile. Que lui, il a sa vision. Il veut que son film soit fait de même. Puis sa vision, ben là, elle change à toutes les 30 secondes. Mais, puis, suivez la gang, sinon vous êtes tous des retardés. Parce que lui, la phrase qu'il lâche le plus sur le plateau de ce que j'ai cru voir dans le documentaire, c'est « Fuck you, ça fait 30 ans que je fais ça, je sais comment ça marche. » Quand même. Puis on s'entend que... Oui, vas-y. Non, ben, c'est ça qui m'énerve de lui, c'est un gros ego trip. Puis tu dis, dans les entrevues, il a l'air d'un bonhomme sympathique, tu vas voir comme chum, puis moi, il me tombe ses nerfs solides, ce gars-là. Je sais pas si vous connaissez The Angry Video Game Nerd. Oui. Il y a un moment donné, Lord Kaufman a fait un épisode avec ce gars-là sur justement le jeu Nintendo Toxic The Avengers. Ben oui, c'est dans cette vidéo-là que justement j'ai appris. Non, c'est pas vrai, c'est une vidéo que l'Angry Video Game Nerd faisait une interview avec Kaufman que j'ai appris que Poultry in Motion existait. Okay. Le documentaire. Ok. Mais non, ça, il n'y a pas dans son. Là-dedans, mais c'est ça, c'est qu'avec Lord Kaufman, il joue au jeu qui était tiré de Toxic The Avengers, les cartoons. Puis là-dedans, c'est juste un Lord Kaufman festival là, où est-ce que là, il joue, puis qu'il lance ses blagues, puis qu'il fait des faces trop poussé, si malgré de regardez, je suis là, puis je suis le Kaufman, puis peu importe qu'est-ce que je dis, c'est drôle, puis tu vois l'autre à côté, il rit, puis t'es comme, mais de quoi tu ris, man? T'es comme 100 fois plus drôle que ce gars-là, sans te forcer. Il me tombe sur les nerfs, c'est un ego trip, ce bonhomme-là, puis il est pas drôle, il marche pas, puis tu sais, ça fait 30 ans que je mets de la marde dans mon dans mon grilled cheese, c'est pas plus un grilled cheese, c'est de la marde dans un grilled cheese, là. C'est ça, Lloyd Kaufman, qui pense qu'il fait des affaires de génie, puis il dit, non, je suis au courant, je sais que c'est de la marde. Non, tu sais que c'est de la marde, mais tu fais de la marde, puis tu t'en crisses. C'est une petite différence, ça. T'en crisses. C'est toi que ce gars-là, ça fait 30 ans qu'il fait ça, ça fait 29 ans, il est 364 jours qu'il a laissé tomber le fait de, je vais me forcer, je vais mettre de l'émotion dans mes films. C'est juste, on tourne, on fait de la marde, de courant, c'est du trauma, le monde va dire que c'est du génie, mais arrêtez, c'est juste de la marde. C'est drôle parce que, tu sais, c'est dans le documentaire, à un moment donné, il y a une séquence où quand le général a mangé le poulet, puis il s'en va dans la salle de bain, puis il va chier un poulet. En tout cas, il y a un gars dans la salle de bain. Puis dans le film, on sait pas trop ce que le gars fait dans la salle de bain. Mais quand tu regardes le making-of, tu te rends compte que le gars dans la salle de bain était supposé d'être en train de se masturber pendant que tout le monde autour vomit. Tout le monde vomit, mais lui, il est dans la salle de bain, puis il se masturbe en regardant une revue porno. Puis là, t'as Lloyd Kaufman qui regarde la revue porno, qui est une fake, parce que bon, ils pouvaient pas prendre une vraie revue, ils ont fait une fausse revue. Puis il est en train de chialer sur la couleur du titre de la revue. Que ça fit pas avec l'arrière-plan, tu sais. Wow. Là, à un moment donné, t'as le directeur photo qui fait, il se calisse de l'éclairage, il se calisse du son, il se calisse de la direction d'acteur, il se calisse des plans, mais la couleur de la revue porno, par exemple, ça, c'est important. Et là, écoute, c'est ce que tu viens de dire, Dom, c'est exactement ça. C'est mais, se calisse de tout, sauf des détails que nous autres, on se calisse. Parce qu'en plus, quand tu regardes le film, finalement, ben le gars, on la voit même pas sa revue, puis on sait même pas ce qu'il fait dans les toilettes. Mais s'il y en a bien un, encore une fois, dans ce documentaire-là, qui mange une Christie de volée par Kaufman, c'est le directeur photo. C'est complètement débile comment ce gars-là se fait traiter comme si sa job était complètement pas nécessaire au film. On voit même Kaufman qui est en train de parler justement de... Voilà, je vais y aller un peu plus dans la technique parce que c'est un domaine que je connais, mais quand il parle des les nuages bougent, ok, viennent cacher le soleil, il faut que tu changes ton ouverture d'objectif par rapport aux lumières, c'est de quoi de ultra logique. Puis t'as Kaufman en arrière qui fait comme, il y a pas juste le directeur photo que ça intéresse, ça, c'est le reste de shooter, on s'en calisse de ce qu'il dit. Là, t'es là comme, tabarnak, tu vis sur ta planète quelque chose de rare, toi, man, parce que là. C'est quelque chose que je fais dans mes fun de regarder des films, tu sais. Ah, mais ça paraît pas. Tu sais, ah, c'est. Lloyd Kaufman, c'est le nouveau Ed Wood, mais qui est juste pas au courant. Là. Ouais, je pense que... Calvaire, c'est drôle comme analogie, mais je pense que c'est pas faux. Ah non! Enfin, mais... les deux qui se croient, mais que c'est de l'estimante qu'est-ce qu'ils font, puis ils s'en rendent pas compte. Là. Ouais, mais... je pense que je vais donner un petit peu plus de crédit à Ed Wood dans la mesure où c'était de la marde calculée. Ça se dit-tu, là? Je pense que c'est de la marde calculée. Non, c'est pas de la marde calculée. Mordemic, c'est de la marde calculée, à mon avis. Ah. Lui, il pensait que c'était génie, mais finalement, c'est de la boîte. Mais j'ai oublié de te dire. Non, j'ai oublié de te dire, excuse-moi, mais c'est parce qu'il y a un règlement à l'heure gamer, on parle pas de Birdemic. Ah oui, désolé. Tabarnak. Faut que je paye un amant. Hey, c'est du génie, ça. Mais non, le nouveau Ed Wood, c'est Uwe Ball. Ah, oh. Tabarnak. Non. C'est le troisième sujet pour que tu me parles. Ce gars-là... Non! Il est pas super bon, mais il est pas aussi mauvais que le monde le dise. Come on! Ah, oh ben tabarnak! Là, wow, attends un peu. C'est parce que je pensais qu'il fallait pas t'en parler parce que c'était pour le caler. Mais si t'es un défenseur de Uwe Boll, man, là, je pense qu'on va s'entendre sur quelque chose. Tu l'encens, ce gars-là? C'est un génie? Ben, j'irais peut-être pas jusqu'à génie, mais après avoir vu. Génie niveau marketing, parce que quand tu repenses à ce qu'il a fait avec son documentaire, là, c'était quoi déjà, documentaire? J'ai un documentaire sur lui. Sur lui, je pensais que tu disais qu'il avait fait un documentaire. Non, il y a un documentaire sur lui, puis c'est justement sur sa vie, mais aussi sur son combat qu'il avait fait avec des journalistes. Parce que les journalistes, évidemment, l'ont bâché, donné de la merde, puis s'il dit « je vais m'en revenger », je vais inviter 5 journalistes, 5 critiques à venir se battre contre moi dans un combat de boxe. Ouais. Les critiques se disaient « c'est donc bien cool, on va se battre contre lui, c'est un... » Sauf que c'est un cave, mais le gars, c'est un ancien champion de boxe. Oh, ouais. Les gars, ils ont mangé des estis de volée. Donc, Chris Alexander, dans le temps de rumeurs, qui maintenant est éditorialiste pour Fangoria. Dans le coin. Ouais, ça, lui, il se disait, je vais arriver là, tout préparé, on va être fun. Il s'est emmené des capsules de faux sang à se mettre dans la gueule, tout. Puis après un round, le gars, il niaisait plus, là, il se battait pour sa vie. Mais c'est ça, c'est le génie de U-Ball, c'est de faire ce genre de marketing-là. Il sait c'est quoi son image, puis il joue là-dessus. Un peu comme Lloyd Kaufman, mais c'est moins douchey de la part de U-Ball. Parce que de temps en temps, il fait des bons films comme Rampage, que c'était quand même pas un génie, mais c'est un bon film. Non. Ça y est, tu viens de dire Rampage. Et voilà. Ça fait des années que je veux faire écouter ce film. Ben, pas des années. Ça fait longtemps que je veux faire écouter ce film-là à Seb. Ça fait des années que mon argument pour dire que Uwe Boll, c'est pas un perdant, que ce film-là, c'est pas du génie, mais c'est un. Ça dépasse tout le catalogue de qu'est-ce que Uwe Boll a fait. Ça, puis Postal. Vraiment. Ouais, okay, Postal, c'est écœurant, c'est super drôle. Quoi, Pierre. Oui. Je pensais faire plaisir à Dom en parlant de Poltergeist, puis clairement, tu t'es trompé. Là, tu viens d'avoir ton épisode revanche où tu pourrais lui faire plaisir. Ben ouais, je pense que on va falloir te réinviter puis qu'on fasse un spécial Uwebull, mais là, c'est parce que tous mes collègues collaborateurs vont me détester solidement. Ben ça, on s'en fout. Ça va être juste un épisode où est-ce que les deux, on clame Uwebull puis on assassine tes coéquipiers puis on leur pisse dans l'air, là, c'est tout ça. C'est tout. Ouh, vous en parlez, vous avez les culottes à terre puis vous vous touchez, là. Ah, c'est clair. Écoute, on va faire comme dans Ghostbusters. On va croiser nos jets puis ça va être une explosion nucléaire de bonheur, là. On va croiser les efflux. Non, mais je suis d'accord. Là, on parle plus pour Trigas puis une Christine. Non, je pense que le sujet est clos. Mais non, c'est correct, c'est pas grave. On s'en fout. Je pense que le show est parti croche puis il va finir tout croche. Mais... Non, mais sérieusement, je voulais qu'éventuellement on en parle du fameux film Rampage, parce que moi, c'est un film que j'ai trouvé complètement random sur Netflix. J'ai écouté ça, puis la gueule m'a tombé carrément. Puis c'est quand que je l'ai vu par après, que c'est un film réalisé par Uwebull. Mais c'est sûr que c'est un film qui est beaucoup plus drivé par ses acteurs qui sont vraiment fous dans la tête, raide. Quand j'ai vu justement réalisé par Uwebull, j'ai fait comme, bon, ben, regarde, il y a pas juste Postal qui a fait qui torche, là. Il y a d'autres choses. C'est quoi, c'est Sewer Rat, hein, le son autre qui était quand même pas si mal. Ah, ça me dit rien, lui. Je pense que c'est un de ses premiers, honnêtement, là, parce que ce qu'il a fait là à propos des films. Ah, ben ouais, c'est un film allemand, là. Ouais, ouais. J'ai pas vu. J'ai eu le DVD, mais j'ai pas vu encore. En dehors de ce qu'il a fait, les jeux vidéo, on s'entend, c'était pas super, là, en dehors de peut-être Postal, puis on s'entend, c'est parce que c'est très juvénile, très attardé comme film, là. Mais moi, House of the Dead, j'ai trouvé ça pas super. Et pendant des années, j'ai évité ce film-là parce que tout le monde disait que c'était la pire chose qui avait été produite dans l'histoire du cinéma ever. Puis je me disais, ça va être de la merde. Puis à un moment donné, je m'en vais en mon club vidéo, puis je me dis, fuck off. Je prends une chance, j'ai rien à perdre, à part une heure et demie de ma vie. Et là, j'écoute ce film-là, je me dis, mais c'est quoi le buzz autour de ce gars-là? C'est pas du génie, mais c'est pas si pire que ça. Puis il y a une couple de plans là-dedans que, avec plus de budget, peut-être un peu plus de talent, de pratique, mais. C'est écœurant comme la scène de zombie où est-ce que tout le monde il filme les gars qui tirent dans le vide puis la caméra qui tourne autour en rond. C'est écœurant. Mais ça, c'est un vrai film d'action, puis moi je me pisse dessus. Ouais, je pense que Sébastien est en train de pleurer, là. Non, mais c'est parce que écoute, t'es en train de parler de trucs que je prépare pour un futur fond de regarder film. Là. Moi, Uwebull, écoute, moi c'est c'est surtout House of the Dead. Tu sais, je crache pas sur Rampage. Pierre me l'a vendu. Il m'a même montré des extraits. Puis j'ai comme fait, OK, c'est du Uwebull. C'est pas... Ouais, mais c'est très différent. Ça crève pas l'écran que c'est du Uwebull. Non, t'sais? C'est très différent du reste de son catalogue. Ça, c'est certain. Mais non, House of the Dead, j'ai vraiment de la misère. Puis, mais sauf que je veux pas en parler parce que je gâcherais toutes mes punches de fond de regarder. Je vais te dire, là, parce que tu chiales contre Uwebull, j'ai goût de détruire ta vie. <T'aimes pas? rire> T'aimes pas House of the Dead? Écoute House of the Dead Funny Version. Tu vas imploser. Funny Version? Il y a une Funny Version. Dans le fond, c'est le même film, mais il rajoute souvent des pop-up comme dans Musimax, genre pop-up vidéo. Pop-up de joke pas drôle, puis il rajoute des bruits de pète. Puis des scènes pas drôles. Mais c'est une funny version, mais honnêtement, c'est pénible à regarder. Je suis un grand fan de Uwebull, je suis un grand fan de House of the Dead, mais c'est vraiment minable comme film. Et si t'as pas aimé House of the Dead, le funny version, là, t'explose de malheur. C'est vraiment minable. Je suis un fan, puis je trouve ça minable. Imagine quelqu'un qui trouve ça minable en partant. C'est indescriptible. Là. C'est le genre d'affaire que c'est Satan qui a créé pour punir le monde en enfer. Puis c'est comme, non, regarde, trop élevé, là, je mets ça en haut. Mais c'est pas justement fait pour le monde qui aime pas le film puis qui veut en rire. Même pas, c'est pas ça? Non, c'est tellement mauvais que tu peux pas en rire. C'est juste, c'est pénible à regarder. C'est physiquement, t'en as mal. moi, j'ai... Jack Bauer s'en sert pour interroger des terroristes. Moi, je me rappelle des entrevues que j'ai vues de Sid Haig qui... Tu sais, c'est comme son le monde l'écœure avec ça. Là. OK, t'as fait partie de House of the Dead. Là. Qu'est-ce que t'en penses encore aujourd'hui? Puis son excuse, c'est tout le temps, ouais, ben tu sais, au moins, on a eu du fun sur le set. Là, tu fais comme, ouais, c'est quoi, tant qu'à ça, les sandwichs étaient bonnes, là, commande. C'est le seul argument qu'il pouvait donner sur son film. Mais moi, House of the Dead, c'est comme... Je vais dire quelque chose que moi, ça m'a marqué et c'est pour ça que j'ai de la misère à jouer ball. C'est dans Alone in the Dark. Fouillez-moi pourquoi j'écoutais pendant un bout le commentaire du réalisateur. Tu sais, j'avais comme... Je découvrais Uwe Boll, puis j'ai vu qu'il y avait une piste du réalisateur, puis je me suis dit, faut que j'écoute qu'est-ce qu'il y a à dire sur son film, tu sais. Puis à un moment donné, il y a la scène de baise entre Christian Slater, puis comment elle s'appelle, elle... Simonac... Elle, ouais, ouais. La fille dans American Pie, là, ouais. Ouais, la fille dans American Pie, ouais. Ouais. Non, hein, Tara Reid. C'est ça, ouais. Tara Reid. Bon, puis, là, il dit, dans ce scène-là, je voulais que Tara Reid se montre les tétons, mais les actrices américaines sont frigides, puis elle n'a rien voulu savoir, puis on est en maudit après. J'étais comme, quoi? OK. Tu peux le penser, ça peut s'être passé par le tournage, mais c'est ce que tu trouves à dire dans tes commentaires du réalisateur. T'as écouté ça et tu trouves pas que c'est un génie? Je m'excuse, mais verrais-tu un autre réalisateur dans le monde faire ça? Non, juste Yui, comment? Ouais. Ça me fait penser à un, je suis plate demain, mais je vais retourner à Poltergeist, un commentaire que j'ai vu justement dans le making of qui m'a fait vraiment rire, c'est que notre actrice principale que t'aimes tant, à un moment donné, ouais, toi tu sais où ce que je m'en vais, ben tu sais, à un moment donné, elle se fait comme hostée par un des zombies poulets qui a une petite grosse queue vraiment monstrueuse, puis que pendant le tournage, ben c'est ça, c'est que ce gros pénis là, il éjaculait dans la face assez monstrueusement, puis là, elle a comme réalisé là, elle, que elle est actrice dans un film de trauma qui a des poulets puis qu'il y a plein de choses qui rentrent dans le cul puis qu'il y a du sperme, du sang, du vomi partout. Elle a comme réalisé là, que c'était un peu pornographique ce qu'elle faisait. Tu sais, un coup que ça fait comme genre 35 qu'on y voit les boules à l'heure, là. Elle a comme fait... C'est une fille puis qu'elle fait une scène avec 10 filles tout nues autour. Non, ouais, ben c'est ça. Fait que là, elle a fait... Non, c'était un peu pornographique avec. C'est très drôle de voir l'opérateur de la caméra qui fait comme on dirait qu'elle sait pas quoi faire avec une grosse queue. Mais. Là... Parce qu'en plus, elle dit j'accepterais qu'ils viennent autour de moi. Ouais, partout sauf dans ma face. Sauf dans ma face. Ah oui, on tombe. Tes limites sont où? La fille, tu as dit des filles, t'as fait poigner les tatons. On a vu des tatons 20 fois. T'as fait une comédie musicale, les tatons à l'air. Mais. Faites pas un pénis zombie venir du jus vert dans ma face. Tu sais, quand j'ai vu ça, je fais comme waouh, aïe aïe, elle sait pas elle qui a fait d'un film de trauma ou whatever, là, j'ai vraiment trouvé ça con. Mais c'est ça, c'est à ça que ça m'a fait penser. Finalement, je pense que c'est vrai, je pense que le making of est encore plus divertissant que le film. Moi, sérieusement, m'a beaucoup plus diverti que le film. Mais pourtant, ouais. Bon. Tu vois que ça a été mon, en tout cas. C'est un beau montage d'amateurs fait par des amateurs pour des amateurs. un peu comme You Way Ball, là, tu sais, pour boucler la boucle. Tabarnak. Ah ouais. Hey, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur ce film dont on a passé bien du temps à déraper à côté? Là, je pense qu'on est dû pour un petit break, là, parce qu'on est parti sur une chire hardcore raide. Mon timer, il a défoncé bien raide. Fait qu'on va aller écouter une des tunes du film Poltergeist qui s'appelle. Et on voit que le gars, le papier, a pris le bord parce qu'il a tellement ri depuis tantôt. Ben, pendant que tu recherches ton papier, moi, je vais te donner l'information. J'ai retrouvé le titre du documentaire dont je parlais sur Uwe Boll. Vas-y. Ça s'appelle Raging Boll, comme le titre du film de Scorsese avec De Niro, mais au lieu de Boll, B-U-L-L, c'est Boll, B-O-L-L. Wow. Alors, c'est bon, un documentaire que je conseille. Hey, puis Pierre, ben juste avant qu'on lâche le film, on a quand même une forme de cote à donner au film. Hey, c'est vrai! Hey, c'est bon que t'en parles, parce que moi qui essayais de faire à croire que c'était pour durer cette histoire-là. Vas-y donc avec ta cote, Sébastien. Ben, on avait écoute, je me rappelle pas de ton échelle, là. Ah, j'ai fait ça le plus simple possible, là, gars. Non, ben écoute, moi, j'oserais dire que c'est une location, parce que tu peux pas vraiment payer pour ce film-là parce qu'il est gratis sur Internet. tu sais, Trauma sont du genre à mettre le film gratuit. Tu peux l'écouter sur YouTube, etc. Donc, ce serait une location. Mais moi, moi à l'époque, la première fois que j'ai écouté, je l'ai loué au Club Vidéo, justement. Et le DVD, c'est un DVD double avec tellement de bonus, dont un des bonus, parce que c'est Lloyd Kaufman qui chiale contre le bootleg sorti en Chine avant même que les autres sortent leur DVD aux États-Unis. Et juste pour ça, c'est délicieux. Fait que si l'achat est pas trop cher, ben pourquoi pas, juste pour tous les petits bonus qu'il y a au travers. Ben, c'est à peu près ça que je faisais, moi aussi. Ben, je peux pas conseiller le monde de dépenser de leur argent qu'ils ont durement gagné en travaillant pour ce film-là. Fait que je peux juste dire, c'est une recommandation de location pour quelqu'un qui sait dans quoi il s'embarque. Parce que, oui, moi, j'arrête pas de dire que je l'ai aimé. Je sais pas trop pourquoi, mais je suis bien conscient que je suis un petit peu attardé. Fait que, c'est ça. Je peux pas dire à quelqu'un, tu vois ça, achète ça tout de suite. Moi, je l'ai acheté. J'ai payé 3 ou 4 piastres. Puis, tu sais, c'est correct, là. C'est pas plus que ça, là. Mais en même temps, c'est bon divertissement. C'est quelque chose que j'ai ri, mais que je suis gêné de rire, tu sais. T'as fait le commentaire hier sur Facebook quand on en parlait. Oui. C'était malade. Comment t'as dit ça? T'as dit que c'était dur de justifier. Ben, c'est parce que moi, quand j'écoute des films le soir, c'est souvent quand c'est le temps de se coucher pour ma blonde. Ma blonde se couche tout le temps vers 10h, puis moi, j'écoute mes films vers 10h30. Puis souvent, quand je commence un film d'horreur ou peu importe, elle me dit « Non, décolle ton film, là, puis maman va dormir sur toi, puis tu continueras ton film pendant que je dors. » Puis ce film-là, j'osais pas l'écouter pendant qu'elle commençait, tu sais. Elle a vu la scène dans le cimetière au début, puis elle m'a dit « Mais qu'est-ce que t'écoutes? » Puis j'étais comme pas capable de l'assumer devant elle, tu sais. Des fois, je vais écouter des films avec une scène vraiment violente, tu sais, admettons, je sais pas moi, « I spit on your grave », tu sais, il va y avoir une scène de viol, puis je vais faire « Ouais, mais tu sais, en tout cas, tu vois, il y a comme un payoff, blablabla. » Puis, tu sais, c'est vraiment éveillé comme film, mais en bout de ligne, les gars vont payer. Mais ça, elle me dit « Ouais, mais c'est bien épouvantable, ton film. » J'étais comme « Bah, ouais, c'est ça. » J'étais comme pas capable de défendre ce film-là par elle. Fait que ça veut beaucoup dire de choses, ça. Ouais, ben, je pense que, je sais pas si, Dom, on va te demander vraiment... On va y demander, là. Demander une cote? Comment ça marche, vos cotes? Ben, 5 sur 10? Sur ben, nous autres, c'est comme... soit tu l'évites, tu le loues, c'est la bine à 5$, ou le Collector Edition. Non, après la bine de 5$, il y a un achat régulier. C'est un achat régulier ou le Collector Edition. Okay, dans le sens que tu achètes tout, tu achètes le poster, le t-shirt, puis le mousepad. OK, bon, parfait. Moi, je te dirais que dans toute cette cote-là, c'est de 28 minutes à 32 minutes, la scène de Toton, là, c'est un bon 4 mouchoirs remplis sur 10. non, mais attends un peu, là, c'est parce qu'on voit, vraiment que tu l'as reculé, parce que je pense que 20... Oui, attends, le film a fini, je me suis dit, je vais aller me coucher, m'en remettre les Totons avant d'aller me coucher. C'est moi, ce que j'aime bien assumer, c'est que c'est une histoire vraie. J'ai parti du film au début. Ouais, c'est quoi les Totons? Bon, j'ai-tu vraiment bien vu? Parce que faut que je raconte que pendant que j'écoutais le film, c'est tellement minable que je jouais sur mon iPad. Donc, je me suis dit, je vais aller le revoir. Donc, c'est ça. Un bon 28 à 32 minutes. Un bon 4 mouchoirs remplis sur 10. Autrement, ce film-là, c'est que si tu, mettons, je sais pas moi, tu te promènes dans la rue un mardi soir, le soir des poubelles, puis là, tu promènes ton chien ou tu promènes ta blonde, un des deux, là. Puis là, tu regardes chez le voisin, puis là, il y a son bac de vidange. Puis tu dis, comment? Je vais regarder voir s'il y a des canettes parce que je manque d'argent ce mois-ci. Je vais arrondir mon fin de mois. Puis là, dans les poubelles, tu vois que le DVD, je le laisserai là. Bon, oh, c'est moi. Hey, on va aller prendre un break. On va aller écouter la tonne. Longing to Live, Waiting to Die, chanté par Lloyd Kaufman, puis le comédien qui joue Herbie, que j'ai même pas envie de chercher son nom, parce qu'à un moment donné, mes veilles ont pris le bord. Je l'ai dans la face, je vais te dire, c'est Jason Yashanin. Ouais, vois-tu, c'est pour ça que je le disais pas. On va aller écouter ça, puis on vient avec la conclusion. Come gather round Arby, now haven't you heard? A career in fast food is like polishing turd. It may shine like a diamond or sparkle a bit, but a turd is a turd, it's still just a shit. I hear what you're saying. you're saying, you crazy old man. But riches and bitches are part of my plan. A career in fast food, although at first seems untrendy, might win me the heart of my dear Wendy. Just look at me, how pathetic I stand, alone in this land. No chance for romance, just my dick in my hand. No chance for romance, man boy, why can't you see? Just minimum wage through rotisserie. So smarten up, dumbass, before it's too late. Earn your BFA or your FUCK'd. A bachelor of fine arts is for rich, snobby queers. But for me, it's just debt for another 4 years. Nope, I'm soaring on wings, bright golden brown, on these flightless birds right out of this town. So listen, old man, why can't you see? Hydrogenated trans fat, SG, plus phosphoric acid means gravy for me. Once I was young, my strings were all strung, but dreams and ambition have all turned to dung. I chose to fry, now how dumb was I? All that's left for me now is to die. Yeah, well, that's not for me. I got a plan B. I know it's legit, it's been on TV. I'll be all that I can be in the army, in the army. Oh. Hey, you young punks, you got brains of bricks. You only think with your dicks. Yeah, well, you old farts are depressing. Now, where's that ranch dressing? Et c'était la dernière tune chantée par le grand Lloyd Kaufman qu'on a, je pense qu'on a vraiment démoli dans la dernière demi-heure. mais j'ai été vraiment choqué de voir ce personnage-là en dehors de ses entrevues que moi je trouvais qu'il avait l'air sympathique, mais honnêtement je pense que ce qui est arrivé, c'est que Dom t'as vu dans son âme, t'as vu le genre de vraie personne que c'était. C'est là qu'on reconnaît les vrais pros. Ben, c'est ça, hein, comme qu'on dit, don't bullshit a bullshitter. Ah, man, bon, là, Seb qui est reparti sur son tétage, il est temps qu'on finisse ça, ce show-là. Ben, il fallait qu'on finisse ça avec un peu de tétage, là. Ben, c'est clair, moi, je pensais que ça serait juste d'or à Z, là. Il n'a pas assez à mon goût. Ouais, non, mais ben... tu t'es mis à parler contre le film, fait que... Fallait... Ah, c'est ça, ça t'a donné moins le goût. Non, c'est ça, t'es HSC un peu. Non, mais ce qui est arrivé, c'est qu'au moins, on a connecté sur Uable. Moi, j'étais en train de me dire que, ah ben, Chris, ça va être la fin, on va pouvoir le réinviter et parler de ça, mais tu viens de perdre tes points que j'ai vraiment pas envie de te reparler. ceci étant dit, merci beaucoup, Dom, d'être venu. On a eu un fun... sale, je pense que c'était assez évident. On a ri comme j'ai rarement ri. À chaleur qu'il fait, c'est un peu une maladie de rire de même. C'était rafraîchissant. Non, pas en tout, man. J'étais en train de mourir. De rire autant de même. Ah, mais, honnêtement, je dis pas ça juste parce que j'ai vu le chiffre sur mon chèque, là, mais n'importe quand, les boys. Ouais, mais je te dis, c'est tout ce qu'on pouvait se permettre. On voulait Danny, mais tu sais, on n'avait pas assez d'argent, fait qu'on s'est contenté de Paulus. Ben, c'est correct, moi, avec ça, j'ai une bonne soirée, là, je me payais un chip uniqueur, fait que je suis bien content. Et voilà, c'est ça, tous nos éditeurs le savent. Maintenant, c'est quoi le secret d'Horreur Gamer? C'est bon. On paye, mais. C'est pas cher. Et voilà. Dom, ouais? Tu nous rappelles-tu un peu l'adresse de ton blog et de comment. Où est-ce qu'on peut t'en rejoindre? Ah, c'est-tu têteux? Certainement. Donc, le site faramineux pour lequel je travaille, j'écris, je produis, dans le fond, que je fais un peu tout sauf lui faire l'amour, c'est Horreur. Donc, en français, Horreur, comme Horreur Gamer, mais sans le gamer, mais juste horreur-web.com. Sur le fait que là, Horreur Web, ça veut dire que c'est comme un site web. Exactement, c'est un site web sur lequel vous pouvez trouver une panoplie de critiques de tous les genres de styles de films d'horreur, en plus de certains dossiers spéciaux qui n'ont pas été renouvelés depuis au moins 4 ans, ainsi qu'un forum de discussion sur lequel il y a plusieurs films sur lesquels vous pouvez discuter, ainsi que le podcast, le dernier podcast sur la gauche. Hey, mais non, t'as parlé de ton forum, puis ça, c'est quelque chose qui me fascine. Mm-hmm. Ça me surprend encore qu'en 2013, il y a des forums qui fonctionnent, parce que, tu sais, on s'entend que forum, c'est quand même quelque chose qui date, là, tu sais, c'est un moyen de d'échanger qui date, mais ouais. Votre forum est vraiment actif, là. Oui. Ouais, souvent, j'avoue, c'est les mêmes personnes qui vont toujours parler, mais il y a encore de l'activité tous les jours dessus sur tout plein de genres, autant le cinéma d'horreur que des fois, ils vont se mettre à parler de « qu'est-ce que j'ai acheté cette semaine » ou « j'ai acheté une sandwich, puis c'était cool, là, les tomates étaient écœurantes ». Et vraiment, il y a tout plein de sujets, puis c'est même assez actif. Oui. Ouais, moi, ça m'impressionne. J'ai jamais été capable de suivre un forum plus qu'une journée et demie. Écoute, je suis pareil, puis c'est le forum pour lequel je travaille. Mais moi je participe pas à ça, je l'ai déjà expliqué, c'est parce que j'ai toujours peur de me chicaner. Puis c'est pas péjoratif ou rien, mais c'est parce que des fois je regarde, puis ça c'est la grosse maladie de Facebook qui est toute la patente. Des fois je regarde soit sur votre Facebook ou le nôtre, on va parler d'un film, puis t'as un dos de Monsieur X qui te lâche le commentaire ultime, fait comme... Tu sais que c'est de la merde, ce film-là, puis ce réalisateur-là, il devrait se suicider. Là, tu sais, j'écris-tu un paragraphe pour faire réaliser à ce gars-là que sa vie, c'est de la merde, ou ben donc, je m'abstiens. Fait que c'est la raison pourquoi je participe pas au forum, puis que je suis très peu actif sur Facebook. Tu fais très bien. Je suis pareil. Moi aussi, au début, quand je commençais à écrire là-dessus, j'ai connu le site, j'y allais sur le forum à tous les jours, j'écrivais tout, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est là que les épées vont pas mourir, les forums généralement, puis ça me frustre, puis ça me frustre d'être frustré, parce que c'est juste du monde derrière leur écran qui essaie de justifier leur existence misérable. Puis là, t'es comme, t'essaies d'avoir une discussion avec eux autres, puis là, ça marche pas. Fait que là, t'essaies de les insulter en disant que leur mère est grosse, ça marche pas plus. Puis là, t'es comme, ben voyons donc, esti, c'est quoi cette marque-là? Puis moi aussi, j'ai arrêté d'aller sur des forums pour les mêmes raisons que toi, en fait, là. Mais c'est ça, t'as toujours des assassins du bon goût là-dessus. C'est... Moi, depuis que je me suis fait insulter à outrance sur le forum de Luchard Martineau, j'ai arrêté tous les forums. Voilà, c'est de sauter dans un piège très évident. Il y avait du monde qui avait... J'avais été sur le forum de Martineau pour passer des commentaires et il avait été jusqu'à repérer mon site web pour aller me lancer des commentaires sur mon adresse personnelle. T'sais. Wow! Genre, tu sais... Mais tu sais, écoute, t'as reçu des courriels sur ton adresse personnelle. T'sais. Ouais, j'ai vu ton commentaire sur le forum de Martineau. C'était de la crise. Là, t'as peu, là. J'ai laissé un commentaire sur un forum. T'as été chercher mon adresse personnelle. Il y a un petit peu trop de haine. T'as mis beaucoup d'efforts pour me haïr, là. C'est ça. Fait que je pense que je vais arrêter ça, là. Fait que non, moi non plus, les forums, j'ai bien aimé ça. Hey, je peux vous conter une anecdote là-dessus. J'ai un bon ami qui joue dans, pour pas le nommer, là, il joue dans un club de hockey assez big, mettons, hein, on dit ça de même. Puis, il y a un forum très, très, très actif sur ce club de hockey-là. Puis, tu sais, quand il y en a un qui joue pas une bonne game, il te mange tout le temps une petite grosse pelletée de marde. Puis, il y a un gars qui est très, très, très actif sur le forum. Puis, le gars, il est tellement gros que... il y a sa place réservée, tu sais, comme pour les personnes handicapées. Gros. Le gars, il est au premier rang, là, puis je te jure, là, il est à côté sa bande, là, c'est une masse de quelqu'un, là, t'sais. Puis ce gars-là, c'est forum, il s'en va te marquer à mon chat, il dit, c'est-tu pas de cœur, tu patines comme un handicapé, toute la patente. Il dit, tu sais, moi, je viens de me faire traiter par un gars qui paye 600 livres, comme de quoi que j'ai pas de cœur, là, quand je suis à la glace. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, maudit Christ, le moment donné, là, come on, là. Tu sais, c'est ça, les forums pour moi. Fait que c'est pour ça que je participe pas ben à ça. C'est pour ça que je trouve ça encore plus louangeable que vous en ayez un qui fonctionne bien sur votre site. Ben, merci. Puis toi, Pierre? Moi? Ouais? Ben, moi, j'ai chaud en tabarnak. Non, je voulais dire merci à tous nos auditeurs qui ont répondu à l'appel. L'histoire des suggestions que j'avais demandé, des suggestions de films, j'en ai reçu beaucoup. Je vais toutes les prendre en considération parce que je m'attendais pas à en recevoir autant. Continuez, horrorgamer@gmail.com, le Facebook, le Twitter, l'Instagram, si ça vous tente, n'importe quoi. Là, on a eu des commentaires de fun. Oui, on a eu des très bons commentaires. On a eu des suggestions aussi. Une suggestion que j'ai particulièrement aimée de quelqu'un qui voudrait qu'on fasse plus de films classiques. Ouais, ben moi, ça, c'est quelque chose que je pense depuis longtemps. On était parti sur un trip de faire deux films par show. Si on pourrait en faire un récent, un classique à toutes les fois, moi, je pense que ça pourrait très bien marcher parce que je suis pas mal plus fan des vieux films que de ce qui se fait de ce qui se fait récemment, sans pour dire pour autant que c'est qu'il se fait plus rien de bon, là, pas ça pendant tout. C'est juste que, bon, écoute, ces bons vieux classiques-là, on les a vus, on les a revus, fait que ça fait qu'on a beaucoup de choses à dire, fait que ça pourrait être bon, ça pourrait être une bonne suggestion. Plein d'autres affaires comme ça qu'il va falloir prendre en considération. Il y a aussi le fait que, bon, on prépare un site, là, c'est plus un secret, on prépare un site pour le podcast à cette heure qu'on s'est fait crisser dehors de Fun Jouer Jeu. Hein, Sébastien? On a fait le ménage. Je sais pas pourquoi je t'ai gardé dans mon show, toi, d'ailleurs. C'est le boss, mais c'est plus ton boss. Non, ben ça a jamais été mon boss. Non, mais c'est parce que ce qui marche pas, c'est que, tu sais, il m'appelait le boss. Là, depuis que je l'ai collé dehors, c'est lui moi. Qui est mon boss, là, à cette heure. Exactement. Les rôles sont inversés. En tout cas, tout ça pour dire que le site n'est pas encore tout à fait prêt, mais ça devrait être fait très, très, très prochainement, ce qui fait qu'on va revoir un feed sur iTunes, un nouveau RSS pour se séparer de Fun Jojo. C'est pas vrai, là, il n'y a pas de chicane, pas de maudite menotte. C'est pas parce que Dan il dit que j'ai un petit pénis, puis que Joël dit que je suis prêt pour la mairie de Laval, que je leur en tiens à cœur. Hein? Fait que c'est pas mal ça. On en veut d'autres. On est encore prêts. Merci encore à Adam d'être venu, même si j'étais un peu triste que t'aies pas aimé le film, mais en même temps, je veux vraiment pas argumenter avec toi parce que, dans le fond, je m'en doutais pis j'étais un peu gêné. c'était ça le but. Non, mais honnêtement, il va falloir qu'on remette ça un de ces quatre pis que. Ouais, moi, je suis réinvité n'importe quand, les boys. J'ai bien aimé ça. Ouais, c'est cool. Ben là, c'est parce que là, tu viens de défoncer notre budget, au moins pour la prochaine année. Mais écoute, au pire, paye-moi en coke, de la vieille coke déjà sniffée, puis de la coke de second nez, là, puis je vais être bien correct. La coke de second nez? Ben, wow. Ouais, ou si tu préfères de seconde narine, là, c'est comme tu veux. Wow. Ça, c'est un gag digne de Lloyd Kaufman. Yeah. Putain, quand même. Hey! Ça fut bien plaisant, on a eu beaucoup de plaisir. J'ai tellement ri que j'ai chaud, surtout qu'il fait comme genre 47 dehors puis que je suis en train de mourir. Fait qu'on va finir ça là. Oh, si c'est pas plus. Surtout qu'on a tellement parlé de tonton. Ceci étant dit. Merci de nous avoir écoutés. Si vous nous avez enduré jusque là, je regarde mon compteur puis j'ai sérieusement peur du total que ça va donner. C'est un show de débile là. On remet ça, puis on se retrouve très prochainement, chers auditeurs, pour l'épisode 21 d'Horror Gamer Show. Fait que, à la prochaine! Non, c'est fini ce mardi.